J'aime beaucoup ce titre. Carla's Dream. C'est que sur Fun Radio pour terminer ce Before Party Fun. Le programme de la soirée à minuit, Party Fun, toujours avec Adrien Thomas, moi Adri. On se retrouvera tout à l'heure, oui, alors avec, tu sais, mon morceau préféré du moment. C'est un DJ que j'adore, Cashmere, son nouveau morceau. Invisible Children, obligé, ce soir je joue entre minuit et une heure. À 22h, le Night Show avec Marion et Anso, et tout de suite c'est le Doc et Karel pour Love in Fun. À bonsoir. 20h jusqu'à 22h. Bravo, bravo, vous êtes à l'heure encore. Un professionnalisme. Ouais. Eh ben écoutez, on termine le Before Party Fun et on vous lance les auditeurs pour parler de cul. Voilà. Pour parler de non, cul. Non, de pas, sexe, d'amour. Et de fun. Et du fun, bien sûr. Hein. La on s'en joie. Charge. Merci beaucoup, les mecs. Bonne émission. Et rendez-vous demain. Ouais. Salut, ciao, ciao. Dans Love in Fun, il y a une équipe venue des quatre coins de la France pour vous écouter et vous conseiller. Doc, le médecin le plus connu de Franche-Comté. Oh. Ouais, j'ai même ma statue sur une place à Besançon et j'ai reçu le stéthoscope d'or remis par le maire de la ville. Karel de Bretagne, avec du sang de viking. Ouais, je suis un guerrier. Celui qui l'équipe tout le temps en Bretagne, je lui fais bouffer ses crêpes par le nez. Alice, la plus grosse quiche de Lorraine. Ah mais moi la quiche, mais j'adore ça, hein. Love in Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue sur Fun Radio. Mardi soir, en direct comme chaque soir. Et très heureux de vous retrouver. On écoutait l'intro, là. C'est quand même une grosse arnaque, ce truc. Hein. Ouais, bien sûr, rien oui. n'est vrai. Non, si, les trucs, sauf les crêpes pour toi. Ah oui, les crêpes, oui, peut-être. Oui. Bah, parce qu'en fait, l'autre jour, il en bouffait une par le nez. Je sais pas ce qu'il foutait. Mais bah, non, parce que j'aime ça, Doc. Moi, j'en mange matin, midi. Elle était au chocolat, en plus. Puis la grosse quiche, ça me connaît. Il y a peut-être un soupçon de vérité. Non, t'es pas grosse oh, du tout, Alice. Ça va, on se marre. Ben, je suis une quiche quand même, hein. c'est comme ça. On est tous des quiches. Mais oui. on est tous des quiches. On est tous solidaires dans cette émission. Soyez tous les bienvenus. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez ici. Vous êtes les bienvenus. On vous accueille dans l'émission à tout moment au 01 42 48 5000. Vous voulez parler d'un truc en particulier, quelque chose qui vous a choqué, il y a quelque chose qui se passe mal dans votre vie, vous voulez des conseils pour ben voilà, trouver des solutions. On est là chaque soir et on parle avec un vrai médecin. C'est Doc, bien sûr. Oui, bien. Salut à toutes et à tous. Oh, oui. Oh, salut. Voilà. Salut, Doc. Je salue. L'immense population de nos auditeurs. L'immense. Oh, le président de la République. Il a craqué, là. Allez, Doc. Nous parlons à la France entière. Doc, Premier ministre. Oh, ouais. C'est ça, sans déconner. Tu es président de la République, je ne sais pas si je suis. Bonsoir, monsieur le président. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. C'est votre première radio. Je suis en campagne. Oui, bien sûr. Oui. Vous êtes en campagne. Mmh. Et est-ce que tu te présenterais pas au présidentiel, Doc? Si, justement, je voulais le dire. Ah, putain. Et, t'imagines on va faire le buzz. On va faire le buzz. Doc se présente à l'élection présidentielle. C'est officiel. C'est que j'ai le droit. C'est annoncé, mais bien sûr, il faut des candidatures, non des signatures, plutôt. Bah, les éditeurs, il y a bien quelques ouais. Et peut-être. Et si vous êtes un élu, n'hésitez pas à nous appeler. On vient d'avoir une idée à l'instant. 01 42 48 5000, bien sûr, Kassim est là, le ouais. producteur de cette émission. On se fait quelques soucis, bien sûr. Ouais, pourquoi? Parce que quand on sait que c'est toi le producteur, on se demande où est-ce qu'on va. Ah oui, c'est vrai, je sais pas, dans le mur peut-être. Hé, hey, Alice, ouais. elle a un bouton. Ouais, je viens de sentir que j'ai comme un bouton là. Il est horrible. Bah non. Ah si, c'est dans tes chums là. Mais ça me gratte, mais c'est un bouton d'une bête ou je sais pas. Mais écoute, Alice. Il y a plein de moustiques en ce moment. Non mais Kassim s'intéresse vachement à mon front, ça me touche. Pas qu'à ton front. Oui, oui, j'allais le dire. Pas qu'à ton front parce que je vois son regard, il est en face de moi. Ouais. Il mate. Est-ce que tu fais là? C'est boum. Bah, mais Doc, tu viens de les regarder, je viens de te voir. Mais non, mais c'est impossible, je suis très loin. Putain, je vois mon père rien. Va te péter la gueule. Hein. On va appeler ta meuf si tu continues, Doc. Non, j'ai rien maté. Moi, je vois rien. J'ai des écrans. Je disais qu'il le regardait. C'est ah pas oui, moi. Il faut bien au moins des écrans. En tout cas, vous, ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez mater, les amis, puisque nous sommes filmés sur le site de funradio.fr, Godefroy à l'arrière. Et bien sûr, Guillaume au standard 01 42 48 5000. C'est le numéro pour nous appeler. On a de suite Estelle, notre auditrice du soir. Bonsoir Estelle. Bonsoir Karel, bonsoir le Doc, bonsoir Alice, bonsoir tout le monde. Salut. Bienvenue Estelle, tu vas faire de la radio avec nous pendant 2 heures. Ouais. C'est cool. Ouais, c'est super cool. Je sais que tu cherches un emploi toi Estelle. Oui, c'est ça. Eh ben vas-y, profite si t'as envie de passer une petite annonce là, c'est le moment. Tu cherches dans quoi toi? Eh ben moi je cherche dans la santé, je suis une future aide-soignante, donc je cherche en maison de retraite ou en hôpital. Ou... Ben ça tu as trouvé du n'importe. Boulot, ça manque. Du côté oui, ça manque, ouais. T'as le diplôme ou tu l'as pas encore? Non, pas encore, il faut que je le passe justement, mais j'aimerais tu bien... Quand le concours, il est en novembre. T'aurais besoin de quoi en fait là actuellement là? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Là en fait, ça serait pour avoir une entreprise, donc une maison de retraite ou un hôpital qui pourrait me prendre en alternance quoi. Du côté de Narbonne. C'est ça. Et aux alentours de Narbonne, 01 42 48 5000, ce qui serait génial et formidable, c'est qu'on puisse te trouver une possibilité de taf avant la fin de l'émission. Ah bah ce serait super hein. Estelle, en attendant, tu vas faire de la radio avec nous, on va accueillir Julien, il a 13 ans de Paris. Bonsoir Julien. Salut Julien. Salut Karel le Viking, salut Doc le président et salut Alice la quiche. Bienvenue Julien. Ah ça fait plaisir de t'avoir au téléphone hein, mon Julien. Ça fait extrêmement plaisir de vous avoir. Est-ce que tout va bien dans ta vie en ce moment, l'école tout ça? Oui. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. T'es heureux? Eh ben oui. Il y a des meufs qui sont bonasses dans ta classe? Et eh ben justement, je voulais vous demander un petit conseil par rapport à ça. Ouais, quoi? Qu'est-ce qui se passe? En fait, je voudrais... demain, c'est ma première séance de piscine avec les cours, quoi. D'accord, à l'école, tu vas aller à la piscine? C'est ça. Oui. Et je voulais savoir, est-ce que vous avez des petites techniques pour regarder les filles, quoi? Pour mater les meufs? Allez, alors déjà, un classique, mon pote, les lunettes de plongée. Et ben justement, j'en ai acheté tout à l'heure. Eh ben voilà, hey, ben là, tu comme ça, on voit pas tes yeux. Ouais, non, mais c'est surtout qu'on voit pas les yeux, puis on voit tout ce qui se passe en dessous. Ah oui. Ouais, mais c'est pas de l'amour, hein, des fois. Hein. Ah bah oui, j'en sais rien, moi, mais c'est gênant d'aller à la piscine quand t'as 13-14 ans, quoi. Mais parfois, il y a des bulles qui sortent, tu sais. Ouais, je vois ce que tu veux dire, un petit prout, c'est ça, Doc? Hein, il peut aussi avoir un moment gênant, c'est-à-dire que tu te retrouves... Peut-être pour la première fois avec des filles qui sont en maillot de bain, et là, tu as une érection. Ouais. Est-ce que tu y as pensé à ça, Julien? Comment dire? T'as jamais bandé, c'est ça? Si, quand même. Eh bah ouais, parce que demain, tu vas être en moule tub. C'est-à-dire? C'est obligatoire. C'est le moule beat, le maillot de bain, là, serré, là. Ouais. Et ça, franchement. Si on peut pas mettre les shorts de bain. Mais non mais Alice, franchement, on ressemble à rien avec ces moule tubs. Bah écoute, c'est pas pire qu'avec un bonnet de bain. Nous, ça nous fait pas plaisir non plus d'être avec un vieux maillot de bain. Enfin, c'est pas forcément deux pièces. On n'est pas forcément non plus mise en valeur avec les seins tout aplatis. À cet âge-là, ça fait chier. Bah non mais c'est vrai. Non mais je comprends. Et moi, de toute façon, aller à la piscine, c'était une angoisse quoi. Bah ouais. Mais c'est vrai, Doc. C'est violent le truc. Hein. C'est violent. À 13 ans, tu te retrouves comme ça, on est limite à poil, quoi. Oui, le problème, il est gênant à cet âge-là parce qu'il y a ceux qui n'ont pas fait leur puberté et ceux qui l'ont faite. Oui. Ceux qui n'ont pas fait leur puberté, voilà, c'est modeste, on va dire. Oui, c'est tout petit, quoi. Et vous pouvez pas y échapper, alors que nous, on peut toujours tester la technique du non, j'ai mes règles, je peux pas faire piscine cette semaine. Alors que vous, bah non. Il y a plein de filles qui se font dispenser comme ça. Ah bah ouais, hein. Elles ont raison, hein, si elles ont pas envie. Et bah, en même temps, t'as des lascars comme Julien qui veulent les mater. Donc, grave, franchement. C'est normal. Julien, tu veux une technique? Je t'en donne une. Aussi dans les vestiaires. Bah voilà, tu vas dans les vestiaires des filles, mon pote. Oh mais non, faut pas faire ça. Tu vas te faire défoncer, toi. Hein. Tu t'es trompé. Et là, tu vas te retrouver face à face avec une de tes copines. Ce que je fais, c'est que je vous rappelle demain soir depuis l'hôpital. C'est vrai que tu risques de prendre cher, mon pote. Julien, les lunettes de plongée, t'as pensé à tout. C'est l'idéal. Hein. Ouais. Et les mets pas mal à l'aise. Tranquille. Hein, les mets pas mal à l'aise, d'accord? Sinon, tu deviendras un gros pervers, toi, plus tard. Ouais. D'accord, Julien? Ouais, pas de problème. Allez, je compte sur toi. Hein. Eh ben, on va voir. Fais une bombe, ça fait marrer tout le monde. Fais une petite bombe. Je pense pas que c'est être pervers que de regarder les filles. C'est pas ça la perversion. Ah bah, non, c'est chercher à comment faire pour les mater sans qu'elles le sachent. Ah ouais. C'est l'histoire derrière. C'est trouver une autre excuse, oui, effectivement, pour les mater. Bon, Julien, tu nous rappelleras dans quelques années quand tu seras devenu pervérophile. Ah, hein, okay. Je compte sur toi. Salut, mon poteau. Salut tout le monde. Salut, Julien. On salue tous ceux qui vont à la piscine demain. Bon courage, les filles. Hein. C'est jamais un moment facile, c'est vrai. Anaïs, 20 ans de Nice. Bonsoir, Anaïs. Salut, Karel. Salut, Doc. Salut, Alice. Salut, Anaïs. Salut, Anaïs. T'appelles pourquoi? Eh ben, je suis une petite fan de plaisir personnel. Je me masturbe avec des objets un petit peu surprenants. Qu'est-ce qu'elle est bien, cette émission. On apprend plein de choses, on découvre plein de choses. Anaïs va nous expliquer quels sont les objets qui rentrent dans son fort intérieur. En attendant, on écoutera Jennifer Lopez. On est de retour dans 3 minutes. À tout de suite, c'est Love in Fun jusqu'à 22h. Réagissez à l'émission sur Twitter. Hashtag Love in Fun. Diplo. DJ Snake. Skrillex et les Major Lazer. On fait appel à lui pour leur tube.

Jennifer Lopez sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Love in fun. 20h, 22h, avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone pour nous appeler. Cet après-midi, on était avec toute l'équipe en train de regarder le nouveau clip de Sia. Qui a, en une semaine, 30 millions de vues, je crois. Ouais, c'est, carrément. C'est juste énorme. Sia avec The Greatest. On va l'écouter là tout à l'heure. Ça, c'est tellement bon. Il y a The Greatest tout à l'heure dans l'émission de Love in Fun et vos messages qu'on lit là maintenant en direct comme chaque soir entre 20h et 22h. Vous laissez vos messages sur le Snapchat Love in Fun Radio, le Twitter hashtag Love in Fun, la page Facebook Love in Fun, tout y est. C'est parti Alice. Un message de Nathan. Salut l'équipe, je me posais une question. Doc, t'as toujours eu une voix grave comme ça ou... Ah oui, bien sûr, même quand j'avais, même à la naissance. Oui. T'imagines, ah ouais. Le bébé Doc, non, en même temps, ce serait trahir un secret. Je sais que t'aimes pas qu'on en parle, Doc, mais c'est vrai que en fait, pour que Doc ait une voix comme ça, c'est qu'on lui met un traitement de son, en fait. Parce qu'en fait, Doc parle comme ça. Non, il a une petite voix. Dans la vraie vie. Non, parce que j'ai d'autres médias avec lesquels j'ai parlé, j'avais la même voix. Ah, c'est étonnant. Donc, ils utilisent la même technique, ouais, en fait, pour te gonfler ta voix. C'est hallucinant, bien sûr. Bien sûr, oui. Vous savez ce qu'on dit, des grosses voix. Hein. Ouais. Petite bite, c'est ça. Ah oui, vous savez. Un autre message, Alice. Un autre message de Mathilde. J'ai entendu dire que vous faisiez une nouvelle séquence, l'appel à l'aide. Est-ce qu'on peut vous demander de l'aide quand ça va pas trop avec nos parents, par exemple? Par exemple, oui. Surtout. Bien sûr, 01 42 48 5000. Cette rubrique, on l'a créée en fait pour vous aider, hein, tout simplement. Donc, vous avez besoin d'aide, vous appelez. C'est aussi simple que ça. C'est d'autant que très souvent, quand vous avez des problèmes avec vos parents, vous êtes persuadé qu'il faut absolument pas intervenir. Et c'est pas tout à fait juste. Il suffit de parler à vos parents, et souvent le fait de leur parler, ça améliore la situation, même si ça vous terrorise. Ouais, c'est vrai. Et en plus, toi, t'es médecin, donc tu peux, pédiatre en plus, donc... Oui, je peux leur parler. Faut pas hésiter, hein. Utilisez-le, le doc, hein. Il vient pas ici pour rien non plus, hein. 01 42 48 5000, on va accueillir Anaïs sur Fun Radio. Elle a 20 ans, elle est de Nice. Bonsoir Anaïs. Bonsoir Anaïs. Salut. Elle s'auto-salue. Oui, bien, ah bah oui, mais d'abord. Elle aime les plaisirs personnels, c'est ça? Je crois les plaisirs solitaires. Exactement. Tout à fait. C'est pour ça que tu nous appelles. Exactement, c'est parce que je suis passée à la catégorie supérieure, c'est-à-dire que je me contente plus des petits jouets normaux. Je suis partie sur bien autre chose. C'est-à-dire que tu te mets des trucs dans le vagin régulièrement et c'est plus des vibromasseurs, des choses comme ça. Exactement. Et c'est quoi? Les fruits et légumes? Exactement, et un petit truc insolite au passage, les brosses à dents électriques, c'est pas mal aussi. Les brosses à dents électriques. Ça vibre. Qu'est-ce que tu... Mais c'est la seule fille qui se brosse le vagin tous les matins et se brosse les dents. C'est-à-dire que toi, le dimanche matin, tu vas faire ton marché pour acheter tes carottes pour ensuite te les mettre dans ton vagin. Non, pas les carottes, pas bien. Ah, pas les carottes. Les concombres. Ah non, c'est gros. Ouais, ou les bananes aussi. Hein. Les bananes. Mais il faut qu'elles soient bien vertes, la banane. Tu les épluches. Quand elle est mûre, elle perd en morceaux. Ça fait de la purée, elle dit. Non, mais il faut faire super attention, parce que tu sais que ça peut rester bloqué dedans. Hein. Oui, mais comme je disais tout à l'heure, c'est toujours couvert avec un préservatif qui va bien dessus. Ah oui, un préservatif sur la banane. Ah bah ouais, non, mais ça logique. Mais quel gâchis, alors qu'un homme pourrait te donner du plaisir. N'hésitez pas à nous appeler. Mais mon homme m'en donne tout autant. Ah, et en plus, ah, ah, mais il sait que tu achètes beaucoup de légumes pour ça. Que j'achète beaucoup de légumes, non. Mais oui, il est au courant que j'aime faire plaisir toute seule. Et, Bah écoute, il n'y a pas de mal à se faire du bien, hein. Je veux dire, t'as raison. Hein. Il assiste, il regarde. Non, mais moi je veux pas, enfin, c'est juste mort, c'est comme si lui il allait taper une quiche devant moi, c'est juste mort, mais... C'est ce qu'il fait lui aussi ? D'accord. Ah, parce que... non, après, sincèrement, moi je suis pas curieuse de ce côté-là de ta, ouais, de c'est, ta vie c'est personnel, quoi. Une question quand même importante, est-ce que lui donne du plaisir jusqu'à l'orgasme ou est-ce que tu es obligée de le trouver toute seule ? Alors, en passant à la radio, je pensais bien que tu allais me poser ce genre de questions, Doc. Bah, évidemment. Après, voilà, j'ai une vie sexuelle très, enfin, épanouie, enfin, un rythme normal, 4 fois par semaine. Mais c'est pas pour compenser, mon compagnon, okay. Mais c'est venir en plus. C'est le petit bonus. Je me demandais d'où ça venait les 5 fruits et légumes par jour. En fait, c'est Estelle. Hein. C'est parce que 5 fruits et légumes par jour, ça fait beaucoup. Bah, du coup, c'est sûr que quand tu en utilises quelques-uns pour les mettre dans tes orifices. Mais après, est-ce que tu les consommes après ? Non. Ah, d'accord. C'est du gâchis. Oui, mais. C'est du gâchis alimentaire. Estelle, notre auditrice du soir, tu réagis à tout ce qui se passe pendant l'émission. Et Estelle, je suis obligée de te poser la question. Toi-même, tu as déjà essayé d'utiliser des ustensiles, des choses ? Non, moi je m'en tiens au sextoy classique, mais de toute façon moi je pense au dog, donc c'est pas j'ai pas les objets insolites, mais j'y l'ai pensé, quoi. Doc fait partie de tes fantasmes? Ah ouais, les docteurs, j'adore ça, moi. Oh putain. Et tu lui dirais pas que là tu te sens un peu patraque, tu te sens un petit peu fatigué? Mais c'est vrai, en plus, je me sens un petit peu patraque, Doc. Je sais pas très bien, il faudrait m'ausculter. Température à prendre. Non, mais je vois où tu veux venir, mais je suis très fidèle, en fait. Oh. Ah mince! Non, mais t'inquiète pas, parce qu'elle n'est pas fidèle du tout. Donc. Ah, c'est que de l'heure du fantasme. Ah, si, justement, si c'est l'heure du fantasme, moi aussi, je suis très très fidèle. Hein. D'accord, ok. Estelle et Doc, quoi, sans déconner. Attends, je vais recevoir un message là. Dis à cette salope de fermer sa gueule, Katoche. je suis désolé, Estelle, mais tu sais, Katoche est un peu sensible. Elle est un petit peu sensible, donc. C'est pas grave, ne t'inquiète pas, c'était pas méchant, Estelle. Hein. C'est pas grave, t'as eu un petit lapsus tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai dit ? Les cinq fruits et légumes, c'est Anaïs, c'est pas Estelle. Ah, pardon ! C'est pas grave. Je suis désolé, mais vous me perturbez, les filles. C'est un petit lapsus. Mais je ne sais plus qui parle. Je sais que toi, c'est Estelle. Et parce que je reconnais ton rire, Estelle. C'est facile de dire toi c'est Estelle, toi c'est Anaïs. Bah oui. Bah, de toute façon, c'est marqué sur des feuilles. Hein. On ne se cache rien. En attendant, Anaïs, je ne vois pas où est le problème à se faire du bien. Tu peux continuer de t'amuser. Sache que Alice a une boîte à baise chez elle. Et elle et aussi. Du coup, les fruits ont pourri depuis. Non, mais moi, je n'utilise pas d'ustensiles. C'est vrai que quand tu vas au marché, tu consommes. Mais Doc, souvent, oui, apparemment. Tu consommes souvent des légumes tellement verts, tellement pas mûrs, que tu peux pas les bouffer. En revanche, c'est très dur. Bah voilà. Donc, tu peux les utiliser pour ce genre de pratique. Anaïs, Estelle, continuez de bien vous amuser. Toi, Estelle, tu restes avec nous. Et Anaïs, je te fais des gros bisous. Moi aussi, je vous fais tout plein des gros bisous. Merci beaucoup. Je t'embrasse très très fort. Il y a beaucoup de sites internet qui recensent des objets bizarres retrouvés dans le corps de certains patients. Oui. Tu sais, c'est des radios en fait. Genre, tu sais, les tours Eiffel. Des tours Eiffel et des bouteilles de Coca. Non, mais des petites tours Eiffel, c'est qu'ils te vendent justement là. Mais parce que le problème, c'est que ces couillons, ils la rentrent par la pointe. Ouais. Et après, c'est évasé. Quand c'est rentré, ça peut plus sortir. Exactement. Donc, le chirurgien, il le cherchait. Tu vas à l'hôpital et tu te retrouves. Le mec, il fait une radio. Et il se demande, tiens, j'ai la tour Eiffel sous le nez. Vous travaillez dans un hôpital. Vous avez déjà été surpris avec certains patients qui sont venus avec différents problèmes dans l'anus, hein, dans le vagin. Venez nous raconter. Je pense qu'avec les sextoys, ça a bien changé, quoi. C'était très fréquent du temps où les sextoys n'étaient pas très répandus, même si les sextoys datent de l'Antiquité. Comment on faisait à l'Antiquité? Ils allaient dans la nature et puis ils se fabriquaient ce qu'il fallait. Avec des rondins de légumes. Bois. Oui, ce que tu veux, oui. D'accord, ok. Putain, je comprends mieux pourquoi tu vas le dimanche en forêt, toi, Doc. J'ai pas besoin, moi. Ouais, bien sûr. J'utilise mon matériel. 01-42-48-5000, on a Lauriane. L'appel à l'aide avec Lauriane. T'es là, ma chérie? Oui, bonsoir toute l'équipe. Bonsoir. Salut. Bonsoir Lauriane, t'as 19 ans, t'es à Tours et tu veux qu'on t'aide pourquoi ce soir ? Alors en fait, depuis le début de l'année, il y a un garçon qui me plaît dans ma fac, parce que je suis en fac de droit. Et puis en fait, je voudrais que vous m'aidiez à l'appeler pour approfondir un peu, soit le connaître, soit boire un verre. Enfin, je sais ah bah pas c'est trop, toi qui va boire un verre avec lui, c'est pas nous non plus. Oui. Mais on va t'aider ma chérie, tu restes avec nous. D'accord Lauriane? Oui, parfait. Alors Lauriane qui veut qu'on aide à draguer un des mecs de sa classe, 01 42 48 5000, on le fait dans 3 minutes juste avant. Un des sons que je kiffe le plus en ce moment, Black M, je suis chez moi. Tout le monde me regarde, à travers mon innocence, je pense qu'il me charme. Ma maîtresse d'école m'a dit que j'étais chez moi, mais mon papa lui pourtant se met fidèle. Est-elle fidèle? La France est belle, est belle. Mais elle me regarde haut comme la tour Eiffel, Eiffel. Mes parents m'ont pas mis au monde pour toucher les aides, les aides. J'ai vu que Marion m'a tweeté de quoi elle se mêle. Je sais qu'elle m'aime, je suis français. Je pensais pas que l'amour pouvait être un combat. À la base, je voulais juste lui rendre un hommage. Je suis tiraillé comme mon grand-père, ils le savent, c'est dommage. Jolie Marianne, Marianne. Je préfère ne rien voir comme Amadou et Mariam. Je t'invite à manger un bon mafé chez ma tata. Je sais qu'un jour tu me déclareras ta flamme. Aïe aïe aïe, je suis français. Chez moi, je suis chez moi, chez moi, chez moi, chez moi, je suis chez moi, chez moi, chez moi, je suis chez moi, chez moi, chez moi, je suis français, chez moi, chez moi. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée, chez moi, chez moi. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français, chez moi, chez moi. Laisse-moi juste l'inviter à danser, chez moi, je vais l'ambiancer, je suis français. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Non. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop foncé. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je suis noir, je suis beurre, je suis jaune, je suis blanc, je suis un être humain comme toi. Je suis chez moi, fier d'être français d'origine guinéenne. Fier d'être le fils de Monsieur Diallo. Éternellement insatisfait. À suivre. Black M, je suis chez moi sur Fun Radio. On a besoin de vous. Je vous en supplie, il faut que vous m'aidiez. L'appel à l'aide de Love in Fun sur Fun Radio. Fun Radio. Je salue tous ceux qui sont en train de nous écouter là en ce moment. Et je pense à ceux qui sont en voiture. Je pense à ceux qui sont en internat aussi, qui nous écoutent. Il y a ceux qui qui sont dans la chambre, là, tranquille. Peut-être qui geek aussi sur le PC, qui joue. Merci en tout cas d'être avec nous tous les soirs, de plus en plus nombreux. En plus, ça fait vraiment plaisir. Ici, c'est la seule émission de Libre Antenne où on se parle vraiment. On a des vraies conversations. Et on peut tout évoquer hein, pendant l'émission. Et surtout, on vous aide dans cette émission. Alors, il faut en profiter. C'est l'appel à l'aide au standard 01 42 48 5000. Vous avez une galère, vous voulez qu'on vous aide? On le fait hein, tous les soirs en direct sur Fun Radio avec Doc, avec Alice et avec ce soir Lauriane. Elle a 19 ans, elle est de Tours. Bonsoir ma Lauriane. Salut. Bonsoir. Salut Lauriane. Salut Lauriane. Salut. La rentrée a été belle pour toi. Ah oui, elle était parfaite. C'est quoi ta classe? T'es en quelle classe toi? Alors, je suis en L2 en fac de droit. En fac de droit. Et alors, justement, là-bas, t'as rencontré quelqu'un? Oui, j'ai aperçu un garçon qui est vraiment très, très, très beau, qui a un charme pas possible. Mmh. Et je ne sais pas vraiment comment l'aborder. Tu ne veux pas parler? À chaque fois, je me mets... non, pas du tout. Non. Mais comment? Je suis très timide, donc non. Mais il te connaît, il t'a déjà vu? Parce que là, on va l'appeler dans pas longtemps, là. Oui, il m'a déjà vu parce que nos regards se sont déjà croisés, mais est-ce qu'il me reconnaîtra? Je ne sais pas. T'as déjà pécho dans un amphi, toi, Alice? Oh, non, j'ai jamais pécho dans un amphi. En cours, ouais, mais amphi, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a tellement de personnes, quoi, en fait. C'est ça. Au mois d'octobre, il y a beaucoup de personnes. Et général, après, il y en a beaucoup, moi. À Noël, ça se vide. Il n'y en a plus qu'un quart. Ouais, dépêche-toi tant qu'il est là. Ah ouais, non, mais c'est ça, Lauriane. En même temps, j'imagine que t'as déjà eu des mecs à 19 ans. T'as pas non plus 13 ans, quoi, tu vois. Donc. Non, j'en ai déjà eu, mais bon, celui-ci, il me plaît vraiment beaucoup. C'est pas pareil. L'enjeu lui paraît énorme. C'est ça. Et souvent, quand on est très, très amoureux de quelqu'un, quand on a très envie de quelqu'un, on se retrouve, Doc, dans une situation où on est complètement con. Paralysé. C'est vrai, on se sent bête. En fait, on sait pas trop quoi lui dire. Limite, on tremble, on a des palpitations. Alors qu'en fait, qu'est-ce que tu risques à aller lui parler simplement? Oh, mais ça, c'est facile à dire, Doc. Qu'est-ce que tu risques? Tu risques de te prendre un gros râteau dans ta gueule. T'es pas obligé de dire que tu veux sortir avec. Mais oui, non, faut pas lui dire. Donc il faut d'abord, avant de le draguer ou quoi que ce soit, c'est juste un petit rencard. Ouais, tenter une approche. Même pas, lui parler simplement dans les amphis comme ça, et puis voir s'il est d'accord, s'il me branche. Si visiblement tu lui parles et qu'il se casse au bout de 10 secondes, c'est qu'il n'est pas intéressé. Et est-ce que tu t'es intéressé à sa vie perso, c'est-à-dire à savoir est-ce qu'il a une meuf, quoi? Oui, j'ai essayé de par des amis en commun. En fait, j'ai réussi à avoir son numéro de téléphone. Ouais, bien joué. Et j'ai réussi à savoir enfin ce qu'il fait plus ou moins dans la vie. Donc, je sais qu'il a pas de copine. Je sais qu'il adore le foot. Ouais. Et voilà, et qu'il est en fac avec moi. D'accord, ok. Donc toi, du coup, t'adores le foot aussi maintenant, j'imagine. Oui, exactement. Moi, pour lui, je serais capable de tout. Tu m'étonnes. Alors, le coup de foudre, quoi. Ce qu'il faut que tu fasses, là, je pense, c'est l'appeler tout simplement, normal, et lui proposer un petit rencard, quoi, non? Ouais, c'est ça. Et mais on va même pas parler. Ah non. On parle pas, sinon... Ah non, il faut que vous m'aidiez. Mais non, il faut que ce soit toi qui lui parle. Non, je pense qu'il va trouver ça bizarre. Donc, voilà, il faut que tu lui parles, toi. Moi aussi, je pense. Attends, si on se met à tous... Ouais, non. Non, il vaut mieux que ce soit toi qui lui parle, tranquille, tu lui dis que tu vas l'ajouter sur Facebook, des trucs comme ça. On va faire ça, c'est-à-dire que Lauriane, tu vas l'appeler, après tu vas raccrocher avec lui, et on va débriefer, d'accord? Grave. Okay, d'accord. Et si jamais ça a été mal fait, on rappellera. C'est parti, Lauriane, on l'appelle, il s'appelle comment le mec? Il s'appelle Foued. Non, il est pas gay. Ah, j'ai dit le mec. Ouais, d'accord. Le gars. Allô? Allô? Oui? Oui, c'est Foued? Ouais. Ça va? Ça va, toi? Oui. Je pense que tu sais pas qui je suis. Ouais. En fait, je suis en fac de droit avec toi. On est dans le même amphi tous les jours. J'ai les cheveux longs, je suis blonde avec les yeux bleus. Et on s'est déjà croisé de regard, mais je pense que tu vois pas trop qui je suis. C'est quoi ton prénom? Je m'appelle Lauriane. Ah ouais, c'est bon, je vois c'est qui. Tu me connais? Oui, je t'ai déjà vu, ouais, personne, on va dire en TD. Parce qu'en fait, je voulais savoir si tu étais d'accord pour venir boire un verre avec moi, en fait. Oui, sans problème, volontiers même. D'accord, ben écoute, on peut faire ça demain après les cours. Oui, pas de souci. D'accord, ben écoute. J'ai juste une question, comment tu as eu mon numéro? Oui. Ben, c'est une longue histoire, par des amis en commun. D'accord, ben, tu m'expliqueras demain. D'accord, il n'y a pas de problème. On fait comme ça, il n'y a pas de souci. Allez, bisous, bonne soirée. Merci pareillement. Salut. Lauriane, c'est gagné. Ouais, ça fait chaud. Ah, c'est passé crème. Ah, tranquille, elle est contente. Elle a bien raison. Ah, Lauriane. Alors, facile. Oui. Mais tu m'étonnes, quand il y a une fille qui est un peu entreprenante comme ça, il dit avec plaisir. Oh, je crois que ça m'est jamais arrivé. Non, mais il l'a vu. Oui, déjà, il l'avait repéré. Oui. Ouais. C'est-à-dire que tu lui demandes. Il avait déjà demandé à quelqu'un quel était le prénom de cette blonde. Exactement. Ouais, ouais. Et tu lui demandes, il a dit avec plaisir. Ouais, grave. Il est trop chaud. Je me suis demandé s'il allait dire pourquoi pas ce soir. Mais bon. Non, mais Lauriane, épile-toi. Non, on ne sait jamais, t'épile pas. Comme ça. Ah oui, comme ça. Comme ça, tu te fais désirer un jour de plus. T'es contente, Lauriane? Ah oui. Ah, qu'est-ce qu'on est fort. On a filé un conseil et voilà. Ah, elle s'est super bien débrouillée. Ah, on a rien fait en fait. C'est demain, on te rappelle demain soir alors. Oui, grave, bah, grave. On fait comme ça. Elle est toute contente. Et Lauriane, on te fait des gros bisous, ma chérie. Tu vas boire un verre avec lui demain. Merci beaucoup. Merci. Eh ben, on te rappelle demain soir dans l'émission. On prend tes nouvelles, ok? D'accord, il n'y a pas de problème. Gros bisous, ma chérie. Salut. Salut. Salut, Lauriane. Et Estelle, notre auditrice du soir, tu veux draguer un mec? C'est notre soirée, là, ce soir. Hein. Sauf si je vais reconquérir mon chéri actuel, mais bon, ça va. Il est toujours aussi amoureux, je crois. Si tu veux lui faire une petite preuve d'amour, j'ai l'impression qu'en ce moment, on est au top. Hein. Donc, reste avec nous, ma Estelle. On va parler du chiffre d'Alice. D'ailleurs, tu pourras réagir dessus. C'est les relations sexuelles qu'on peut avoir à distance. Ouais, exactement. C'est un peu ça. Souvent, les gens qui n'ont pas forcément l'occasion de se voir et qui vont avoir, faire l'amour virtuellement, ouais, entre guillemets, parce que c'est pas, par téléphone. Avec leurs mains. Oui. Voilà, bien sûr. Mais l'acte en soi, c'est ils ont la sensation de le faire ensemble. Ah, mais tu peux avoir une excitation de dingue en étant juste au téléphone avec quelqu'un. C'est donc ce que t'as fait, toi. Ah, mais moi, ça m'est déjà arrivé, bien sûr. Bah, attends, quand ta copine, elle habite à 400 km, faut bien te faire plaisir à un moment donné. En attendant, j'avais promis, on l'écoute maintenant. C'est énorme, ça. C'est Sia sur Fun Radio. Elle a une voix incroyable, Sia The Greatest sur Fun Radio. Jusqu'à 22h. Wow. In Fun. Appelez Doc, Karel et Alice. 01 42 48 5000. C'est Love in Fun sur Fun Radio. On est en direct tous les soirs sur Fun Radio, en streaming sur le site de Fun, funradio.fr. N'hésitez pas à venir nous mater. On va accueillir Corentin au standard. Corentin, 16 ans d'Angoulême. Bonsoir Corentin. Salut. Salut Karen. Salut Doc. Salut Alice. Salut. T'as vu quand il dit salut Alice, il y a tout de suite une petite flamme. Il a vachement de sourire. Une petite flamme dans ses yeux. Corentin, tu es un adepte du live Facebook d'ailleurs, live streaming sur le site de Fun ou pas? Surtout quand on voit Alice. Quand on voit le Doc. J'espère bien que tu me regardes pas. Ah bah oui, non mais Corentin. Mais qui est très un peu. Corentin, 16 ans, t'es plus excité par Alice que par Doc. Et en plus, Alice, c'est Katoche qui m'excite. Ah oui. J'adore. Alors Corentin, raconte-nous pourquoi t'appelles toi ce soir. Alors moi j'ai appelé, c'est parce qu'en fait j'ai mes potes qui me disent que je suis un gros radin. Ah ouais, putain. Parce que si tu veux, j'ai quand ils me proposent, genre tu vois, quand j'ai des bonbons, ils me demandent de leur en donner, je leur en donne pas. Ouais, mais c'est normal, ça les tient. Mais tu vois, genre quand on fait un kebab, je garde tout pour moi, tu vois, même pas je donnerai une frite ou un truc comme ça. Ouais, non mais normal, c'est des frites quoi. Vous abusez, ça. Quoi d'autre encore? Est-ce que tu te fais payer des trucs? Mes potes, enfin même ma meilleure amie que je connais depuis des années, genre elle me demande de la thune, genre même 5 euros, genre je vais pas lui donner, tu vois, je garde tout pour moi parce que ma mère elle me donne une cinquantaine d'euros. Tous les mois d'argent de poche, je trouve que c'est pas assez, tu vois. Donc je vais pas gaspiller pour le donner aux autres et tout, je garde tout pour moi quoi. Je m'appelle Corentin, je suis une enflure avec les gens. Ah bien sûr. Mais attends, moi je suis un peu pareil. Ouais, je voulais juste savoir. Ah, c'est vrai. Quand les autres ont du pognon, tu leur taxes un peu. Ah bah ouais, ah, ça c'est la base. Bah oui, oui, voilà, oui. Bah oui, c'est ce que je fais avec Doc régulièrement quand je lui demande ça. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a Doc? Non mais il y a un deuxième carré de téléphone. C'est le même. Bah ça va, c'est bon, j'étais encore. Il y a radin, mais grave. Non mais c'est pas de ma faute. Je sais pas, j'ai été éduqué comme ça. Je suis près de mes sous. Non, t'as peur de manquer. T'es surtout près des sous des autres. En même temps, Doc, il a pas besoin d'argent. Hein. Bah voilà, c'est ça. Il en a trop. Le mec, il. Ça déborde des poches. Il compte ses billets. Oh putain, des fois, il perd des billets de 100 euros. Moi, je lui dis, Doc, t'as. Bah, c'est bon, je lui dis rien d'ailleurs, je les garde. Et, il les garde, oui. Ah, bah, bien sûr. Hein. Non, mais je sais pas pourquoi on est radin, Doc. Pourquoi on a. Bon, ça dépend des gens. Il y a radin et radin. D'abord, quand t'as pas d'argent, t'as pas d'argent. Mais sinon, il y a effectivement des gens qui ne payent jamais rien. Mais... Oui, non, mais tu peux être radin et être généreux aussi en même temps. Ouais. Mais c'est parce qu'on a un problème affectif, c'est quelque chose, cet endroit-là. On est un peu coincé dans une phase anale, tu sais, les phases de développement psychologique. Ah, je suis pas dans l'anal, moi, Doc. Hein. Je pratique pas l'anal. Tu me mettras rien dans mes fesses, hein, je te le dis tout de suite. Voilà, c'est un peu coincé, c'est voilà, il garde tout, oui. Bon. Mais c'est quoi être vraiment radin? C'est ne jamais donner de l'argent, ne jamais partager. Je sais pas, être radin, c'est par exemple se faire toujours inviter au restaurant et ne pas payer. Faire tout lorsque tu es en vacances avec tes potes pour jamais donner un rond pour acheter de la bouffe, enfin, tout. Il y a des mecs comme ça qui ne donnent jamais rien. Ah oui. Ouais, genre comme quand on, tu sais, les trucs, les pansements pour les ampoules que tu mets sur la cime de ta carte bancaire, ça c'est être radin par exemple. Ah, c'est genre pour faire semblant, carte, ça fonctionne pas. T'es le vrai radin, toi. C'est possible de faire ça. Avec non, mais une fois, ça m'est arrivé comme ça. Oh putain, le bon plan. Non, mais je vous raconte, j'arrivais de Cannes avec. J'étais avec, à ce moment-là, je le dis, le directeur d'IP. Ouais, d'accord, ok. IP. Et il me dit, je te ramène en bagnole. C'est la régie publicitaire de Je te ramène en bagnole, Ouais. Ok. Je dis, ok, d'accord, je prends mes affaires. Puis, à ce moment-là, il était quand même resté une semaine. Ouais. Il me dit, oh putain, j'ai pas ma carte bleue pour payer le parking. Tu peux me l'avancer? Il me prend ma carte bleue, il m'a jamais remboursé. Et c'est pour ça qu'il t'a ramené. C'est pour t'utiliser, donc, parce qu'il savait que t'allais payer. Mais je me suis fait enfler grave. Il est plus fort que moi, le mec. Il s'appelle comment? C'est quoi son petit prénom? Non, je le dirai pas, mais il va se reconnaître. C'est mon héros ce soir. Corentin, tu sais quoi? Je suis tellement radin que je vais pas t'envoyer de pack Love in Fun. Allez, salut Corentin. Mais moi je vais le faire. On va te l'envoyer, bien sûr, tu raccroches pas. Et dans un instant, on va faire le défi Fallait pas demander. On sera avec Enzo, 14 ans, de Castres. Salut Enzo. Salut. Salut le Doc, salut Karel, salut Alice. On va appeler ta maman Ghislaine ce soir pour le défi. Tu vas lui demander quoi à ta maman Ghislaine? Je vais demander, maman, est-ce que tu peux me passer de l'argent pour m'acheter des DVD de cul? Bien sûr. Ah oui, et puis on va t'envoyer des Blu-ray carrément. Ah. Restez avec nous, on le fait dans un instant. Et The Chainsmokers qui débarque avec Closer. À tout de suite. À 7h10 et 8h10, Bruno paye vos factures. Quel est le seul animateur radio qui paye tes factures? C'est Bruno dans la radio. Vous m'envoyez

revolution. No man can escape evolution. So we have to free our minds and find our mission. Some new every year. Le chiffre d'Alice, tous les soirs dans Love in Fun sur Fun Radio, c'est un chiffre. C'est un chiffre qui en dit long. C'est le mien. Eh oui, c'est ton chiffre ce soir, Alice. On parle de quoi? Eh ben, écoute, apparemment, il y a une personne sur quatre qui a déjà testé ce qu'on appelle l'amour virtuel, c'est-à-dire faire l'amour au téléphone, c'est-à-dire se masturber chacun de son côté, mais en vivant ça en couple. Mais autant en téléphone, je comprends, autant par Skype et tout, ça doit être chelou, quoi. Bah, c'est beaucoup plus facile, du coup, que par téléphone. Je sais pas. Ça sent l'expérience, là. Ah, bah, non, pas forcément, mais j'imagine que les gens qui le font via Skype, t'as quand même, t'as ton mec ou ta nana en face de toi, donc forcément t'as cette sensation d'être dans la même pièce. Ouais, mais je sais pas, c'est chelou de se branler devant une caméra, quoi. Oui, je sais pas, c'est bizarre, en principe, quoi. C'est sûr que si tu prends du recul. Tu crois que la caméra peut avoir une érection? Je sais pas, Doc, mais en tout cas, on va le demander à Vanessa. Vanessa qui est avec nous. Elle a 23 ans, elle est de Toulon. Bonsoir, Vanessa. Salut, bonsoir. Vanessa. Salut. Bienvenue. Alors, Vanessa, ça nous intéresse fortement par rapport à ce chiffre. Hein. Vanessa, est-ce que tu as déjà fait l'amour, entre guillemets, hein, virtuellement, toi? Ben oui. Ah oui. Assez donc, régulièrement, d'ailleurs. Avec qui? Avec mon chéri, en fait, vu qu'il était à 800 km. Ouais. On se voyait pas tout le temps, donc ben voilà. On branchait la cam et on se faisait plaisir chacun de notre côté. Baisse ta culotte. Oui, culotte. Tu fais pas avec n'importe qui, j'imagine. Non, son mec. Je dis ça à Karel, qui lui pense que elle le ferait avec n'importe qui. Non. Je faisais une vanne. J'ai l'impression qu'il avait, il faisait une vanne, mais il avait déjà une main dans ses culottes. Ah oui, non, moi je me touche tout le temps pendant cette émission. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Non, mais Vanessa, explique-nous un petit peu en quoi ça consistait, une relation sexuelle comme ça, téléphonique. Ben en fait, on est des êtres humains. Quand on se voit pas pendant quelques semaines, on a forcément des envies. Alors plutôt que se tripoter chacun de son côté, et puis on fait participer l'autre. Ouais, c'est ça. Mais du coup, on doit tout décrire. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je te fais ci, je te fais ça. Elle le faisait en webcam. Donc pour le coup, il avait juste à regarder. Je faisais beaucoup de webcam en fait. Mais est-ce que c'est pas risqué de faire ça? Parce que concrètement, quand t'es en relation à distance, imagine t'es en train de chauffer ton mec et tout. Après, tu raccroches. Je me dis, le mec, il doit être encore chaud, quoi. Et ça se trouve, il va voir la voisine. Ouais, il était un peu chaud bouillant. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on le faisait vraiment proche quand il redescendait. Oui, voilà. tu l'épuises. Non, tu l'excites à mon plutôt. Non, mais après, à la fin, il y a un orgasme, donc tu l'as épuisé. Ouais, mais bon, après, ça reste un homme. Hein. Il est à 800 km, il est chaud bouillant. Et si on le laisse trop longtemps, ça craint donc, un peu. C'est aussi pour ça que tu le fais. C'est pour, de temps en temps... Pour lui rappeler ce qu'il attend à la maison. Ouais, voilà, c'est ça. Après, moi, j'ai juste dire un truc. Faut quand même se méfier. Je le dis toujours, mais. Quand tu connais pas. C'est ça. Sur Internet, quand vous commencez à faire des trucs comme ça avec des gens qui sont de l'autre côté, bon, déjà, si vous la voyez, c'est peut-être pas la personne. Et puis surtout, la personne, elle a la possibilité. Et ça se retrouve après sur des sites Internet, la possibilité de d'enregistrer tout ce qui se passe sur son écran. Et quoi. Après, ça ne vous appartient plus. Ouais. Donc toujours méfiance. Hein. Faites-le avec votre mec, votre nana. Mais bon. Cela dit, c'est considéré comme du cyberharcèlement. Si tu piques l'image et tu utilises, tu peux être condamné. T'as des sites comme ça, genre des mecs, tu sais, qui étaient aigris parce que leur nana, ils avaient, voilà, s'étaient séparés de lui, ou et après le gars, il foutait les photos un petit peu osées sur, ouais, sur Internet, gaffe, quoi. Ça. Bah oui. C'est pour ça, moi je te le dis Vanessa, hein, mais on sait jamais. On a aussi Aude qui est avec nous, 22 ans d'Épinal. Bonsoir Aude. Salut. Bonsoir toute l'équipe. Salut Aude, tu fais l'amour par téléphone? Pas vraiment, non. Ah, vas-y raconte, pourquoi t'appelles? Parce que je comprends pas du tout le principe en fait. Ah. Parce que bon, moi avec mon gars, ça fait un plus d'un an et demi qu'on est ensemble, bon il est un peu chaud patate, hein, je vais pas cacher. Mais je veux dire, on s'est déjà un peu chauffé au téléphone, des trucs comme ça, on s'est fait des petites allusions, sur Snapchat on cherche un peu aussi. Sur Skype aussi, mais on n'a jamais fait l'amour virtuellement. Tu te masturbes ou pas? Non, pas du tout. T'as résumé l'histoire, tu te masturbes pas, donc en fait, il faut être très clair. Tu ne dois pas le faire, si l'autre est au téléphone et que par sa voix, par ce qu'il dit, il peut générer une excitation, ça c'est sûr, par son attitude aussi, si tu le vois. Il va entraîner une excitation, et toi, ben, celui qui est derrière, il va se tripoter pour avoir un orgasme. Est-ce que tu le dis souvent, Doc, mais on peut avoir une forte excitation parce que, enfin, ça se passe dans la tête surtout. Bien sûr, et la voix de l'autre, ce qu'il dit, et la façon de le dire peut être très excitant. Je veux dire, moi j'en ai des excitations et tout, mais ce que je veux dire, c'est que moi en plus je suis un peu complexée par rapport à mon corps. Quand on le fait tous les deux ensemble, ça va, mais le faire par cam et tout ça, je peux pas. Qu'est-ce qu'il y a ton corps? Bah, je suis un peu ronde, quoi. Et alors? Puis bon, je me suis mutilée aussi, donc du coup j'ai des cicatrices et tout. Tu t'es mutilée? Bah, je me coupais les veines, je m'arrachais la peau et Tu coupais les veines. Tu t'es scarifié. Voilà, et je me suis arraché la peau aussi. Et tu as arrêté? Ah bah. Oui, ouais, maintenant oui, mais bon. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais juste pour savoir, parce qu'il y a peut-être des filles. Bah déjà, mon premier copain, ça s'est mal passé. Il a failli, enfin voilà, on va pas rentrer dans les détails. Il a failli quoi? Il a failli quoi? Bah, il m'a forcé. Voilà. Il t'a violé. Il a essayé, ouais. Et donc du coup, bah, j'en ai des souvenirs un peu, voilà. Mais mon copain, bah, je l'ai fait qu'avec lui, et du coup, maintenant, ça s'est bien passé. Maintenant, ça va mieux. Je suis débloquée et tout. Mais le faire par cam, je peux pas. Mais personne ne t'oblige, hein. Bah, donc. Non, mais voilà, c'est ça aussi, quoi. Si t'as pas envie de faire un truc, tu le fais pas. Il y en a qui trouvent ça. Non, mais je veux dire, on se chauffe et tout, mais ça va pas plus loin, quoi. Lui, c'est parti, il se passe sur les personnes, c'est son problème. Mais il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Est-ce que toi, tu aimes Anthony, un mec? Ouais. Bonsoir. Salut. Bonsoir, salut tout le monde. Salut. Bonsoir Anthony. On fait l'amour par internet? Ah, j'étais pas trop branché amour au téléphone, mais bon, ma copine de l'époque était à fond dedans. Ah, elle aimait Skype, MSN peut-être à l'époque, Hotmail. Ah. Non, téléphone. D'accord, téléphone, okay. Tout simplement. Mais parce que la voix joue un rôle important dans ces cas-là, il faut quand même le dire. Parce que là, c'est à l'encontre des films porno. Quand vous regardez des films porno, les gens... Le fait de voir des scènes de sexe génère une forte excitation. Ah, oh, mais là, c'est là, pas pareil. La voix de l'autre, parce qu'il dit, peut générer la même excitation. C'est sûr, bien sûr. Tu bandes. Tu bandes, t'es excité, tu bouilles. Enfin, voilà, quoi. C'est le cycle de la vie. Hein. C'est ça. Alors, Anthony, raconte. Et donc, ben, moi, j'allais trouver la solution parce que moi, ça me branchait pas du tout. Et du coup, j'avais une maîtresse qui s'occupait de moi pendant que j'étais au téléphone. C'est-à-dire, elle faisait quoi? Eh ben, tu sais quoi. Et tu parlais à qui? Tu parlais à qui? Eh ben, ma copine de l'époque. Attends, pendant que elle s'amusait toute seule, moi, j'étais pas tout seul. Oh non. Ah ouais. Ah bah voilà, Anthony l'enfoiré. Hein, voilà. Il est avec nous ce soir. Est-ce que tu le disais à ta copine? Je me faisais sucer. Ah bah forcément. Est-ce que tu disais à ta copine qu'il y en avait une qui te... Ah non, je lui disais pas, non. Oh mais putain, c'est un mal. Excuse-moi, mais qu'est-ce qu'elle... Attends. Celle qui pratiquait la fellation, non pas en virtuel mais en réel, elle pensait quoi? Que tu es quelqu'un au téléphone qui s'excite? Eh ben, c'est ma femme maintenant, elle était très bien au courant que j'avais quelqu'un à l'époque, et voilà quoi. Au jour d'aujourd'hui, c'est ma femme. D'accord, oui, bah. Elle continue ce petit scénario, non? Avec non, non, non, non, non, non, maintenant, maintenant c'est, on est deux et on reste à deux. D'accord. Ouais, ah, c'est, voilà. C'est ce qu'elle dit. Anthony, c'est pas mal. Franchement, je m'attendais pas à ça là. Grave. Anthony, t'es vraiment un bel enfoiré. En tout cas, tu l'as été avec elle. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mais je vis bien. Hein. Oui, bien. Voilà. Ça se sent. Ah oui, tout à fait. Pourquoi pas. Et Estelle, notre auditrice du soir, ma chérie. Donc, tu nous as dit que t'étais avec ton mec, mais justement, il vous arrive peut-être, parfois, vous êtes séparés quelques temps. Est-ce que tu as déjà essayé, toi, l'amour par téléphone ou Eh ben non, ça m'est jamais arrivé, mais par contre, si je peux avoir le numéro du doc, ça tente bien d'essayer. Ah voilà, elle te chante grave. C'est quoi ce rire? C'est génial. C'est quoi ce rire? C'est terrible ça. Non, je suis fidèle, arrête. On dirait une autre. Arrête. Non, arrête, mais je veux bien ses coordonnées arrête, quand même. Arrête, mais donne ton numéro en antenne. Donne-moi ton numéro. Je suis jamais de la vie, Ouais, je te laisse ton numéro. Mais je vais te donner celui de Karel, si tu veux. Non, t'as pas compris, Doc. Là, c'est pour toi, là. C'est pas pour moi. Non, mais bon, je veux pas. Moi, je te donne le mien. T'as fille qui a compris, tu sais. Non, mais de toute façon, je vais juste te dire un truc, Estelle. Ne t'inquiète pas, Doc réagit comme ça parce qu'il est à l'antenne. Voilà, c'est oui, pas compliqué. Je ne bouge pas une oreille. Doc est on une... parle pas d'oreille. Doc est une véritable. C'est une expression. Ah, Doc, je ne bouge pas une oreille, ça veut dire je suis fidèle et droit dans mes bottes. Ne t'inquiète pas, Estelle. Doc est une tub ambulante. Et il va s'occuper tu de l'auras n'importe à quoi. Bien sûr, ne raccroche pas, impossible, Estelle. Impossible. On va te repasser le téléphone du Doc. On fera comme d'habitude avec les auditrices qui voilà. appellent pour ça. Bien sûr, pas mais de problème. Mais on ne dit rien. Ok. Allez, reste avec nous, Estelle. T'es notre auditrice du soir. Et dans un instant, on va faire le défi. Fallait pas demander avec Enzo. Enzo, il a 14 ans. Il nous appelle de Castres. Il est un petit peu stressé. C'est pas facile de faire le défi. Fallait pas demander. En plus, vous repartez avec la nouvelle extension de World of Warcraft. Légion, t'es là, Enzo? Oui, salut, Ludo. Salut, Karel. Salut. Salut. Enzo, tu vas appeler ta maman Ghislaine. Qu'est-ce que tu vas lui demander pour le défi ce soir? Je vais demander, maman, est-ce que tu peux me donner un peu d'argent pour que je m'achète des films de cul? Voilà, dans un instant on le fait, vous restez bien avec nous. 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone pour nous parler tous les soirs sur Fun Radio. Et on écoute un son que j'adore, voici The Chainsmokers, c'est Closer sur Fun Radio. I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moved to the city in a broke down car and 4 years, no calls, now you're looking pretty in a hotel bar and I can't stop, no. Shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. You look as good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song that we beat to death in Tucson, okay? You stole from your roommate back in The Chainsmokers, Closer. T'as une question que tu n'oserais jamais poser? Non mais c'est quoi cette question à deux balles? Fallait pas demander. Fallait pas demander. Dans Loving Fun. On va encore se marrer ce soir avec le défi Fallait pas demander. Venez poser des questions que jamais de votre vie vous n'auriez osé poser dans le défi Fallait pas demander pour repartir avec plein de cadeaux. Toute la semaine, on vous offre la nouvelle extension de World of Warcraft Légion à gagner en plus en édition collector. Ce soir, qui va tenter sa chance? C'est Enzo. Enzo, 14 ans de Castres. Bonsoir Enzo. Salut l'équipe, salut Karel, ça va? Ça va bien. Enzo, le défi pour toi, ça va être de poser une question à quelqu'un qui t'est proche. C'est qui Donc ce serait à ma mère. Et la question ce serait maman, est-ce que tu peux me donner de l'argent pour m'acheter des DVD de cul? D'accord, genre tu vas lui faire croire faut que tu lui fasses croire que t'es dans un sex shop. Ah ouais, ouais, okay. Hein ouais. Je fais croire que j'étais partie avec des amis en ville. Super. Comme ouais. Ça tu lui dis en ouais. Fait maman je suis dans un sex shop là, j'ai pas assez d'argent pour m'acheter mon DVD de... Voilà hein. Ok, on y va? Ouais. Allez c'est parti. Ok. On appelle Ghislaine ta maman. Ouais. À 47 ans. C'est parti. Bonne chance, Enzo. Ah, merci. Bonne fin de vie. Allô? Oui, maman. Allô? Enzo? Ouais, maman, c'était pour savoir. Est-ce que tu peux me donner de l'argent pour m'acheter des DVD de cul, s'il te plaît? Non, mais tu te crois où, là? Qu'est-ce que c'est, ça? Ben, c'est parce que pendant ce moment, je m'ennuie que je me branle, en fait. Quoi? Mais tu es capable ou quoi là? Qu'est-ce que tu me racontes? Ça va pas non? T'as pas honte de dire ça? Mais qu'est-ce que tu racontes là? Mais attends. Tu fais des conneries? C'est ça? Mais non, là je suis dans un sex shop et je vais prendre. Je vais en prendre. Mais je vais en prendre. Tu te fous de ma gueule là ou quoi? Qu'est-ce que c'est ça? T'as quel âge pour dire même de ça? Ça va pas non? Mais maman, fais pas genre toi aussi. Non mais attends, en plus t'es où là? Dans quelle section? T'es où là? Vous devez rentrer à la maison là. Mais non mais je suis en ville là avec Arthur. Oui mais je sais bien que t'es pas à la maison là. Mais tu rentres à la maison pour faire tes devoirs. Bah, pour lui dire que c'est quoi le là. Ça va pas là? Oui ou non, le vendeur est impatiente. Mais le vendeur, j'en ai rien à foutre du vendeur. Moi je te donnerai pas la carte, ça va pas là. En tout cas dire au vendeur qu'il a pas à vendre des choses comme ça aux mineurs. Bon alors tu le prends ce DVD ou pas? Ben moi oui, mais ma mère... Non, il a pas l'âge, qu'est-ce que c'est ça? Vous avez pas honte de vendre des DVD à un enfant de son âge? Passe-moi ta maman, je vais lui parler. Qu'est-ce oui. que c'est ça? Sex Shop Castres Lapine d'Or, bonjour. Oui, non, mais ça va pas monsieur de vendre des choses comme ça, vous avez vu l'âge qu'il a? Ah bah moi je m'intéresse pas à l'âge madame, moi ce que je veux c'est faire des bénéfices. Ah ben moi je vais vous dénoncer à la police monsieur, c'est un mineur hein. Qu'est-ce qui vous intéresserait pour vous madame, un masturbateur? Rien du tout, j'ai tout ce qu'il faut. Est-ce que le petit là, il me demande une poupée gonflable? Il me demande le DVD de la partouze. Partouze. Mais bien sûr. Et puis quoi encore? Vous rendez compte un peu ce que vous dites? Bah de toute façon, il a été en cabine pipe show là pour voir un show sexy. Non donc, mais vous avez pas honte de dire ça? Bah oui. Ah ben moi je vais vous dénoncer monsieur. Hein. Bah, vous allez voir. Écoutez madame, moi je veux bien lui faire un DVD gratis s'il m'en achète un seul. Non mais vous plaisantez là, vous n'avez pas compris, hein. Vous n'avez pas compris franchement. Ah j'ai le volume 3 d'Anal Show, bah, franchement moi je recommande, hein. Si vous voulez d'ailleurs je peux vous offrir un petit vibromasseur madame. Non, vous gardez tout ce que vous voulez et vous le mettez dehors, il n'a pas à être dans votre magasin parce que moi je vous envoie les flics de suite. Madame, ce que je peux faire c'est lui offrir un jeu vidéo alors, c'est de son âge. Non, parce que dans votre boutique, il doit y avoir des jeux de vidéo que basés sur le cul, je n'en veux pas. Non, je vous assure que non, le jeu vidéo ça s'appelle World of Warcraft Légion. C'est un jeu, voilà, normal. Un jeu normal. Mais donnez-lui un jeu normal si ça vous fait plaisir, mais il s'en va de chez vous et il rentre à la maison. Bon, je vous offre le jeu parce que vous êtes en direct sur Fun Radio, madame. Je suis en direct sur Fun Radio. Oui, vous venez de vous faire piéger dans le défi, fallait pas demander. Bravo, Enzo, bravo. Bravo, c'est gagné. Ouais. Enzo, maman. Il vous en fait voir de toutes les couleurs, hein, Ghislaine. Hein. Ah là. Il est content, il rigole. Il est content de sa connerie, Enzo. C'est ça. Ah oui, il est content de sa connerie. Je vous explique. Vous savez, Ghislaine, hein, Enzo, c'est un sacré numéro. Hein. Hein ah ben, hein, oui, vous connaissez votre fils, hein. Il s'est dit, si je passe à la radio et que je fais le défi avec ma mère, eh ben, j'ai reparti avec un jeu vidéo gratuit et pas n'importe lequel, World of Warcraft, qu'on va t'envoyer à la maison, Enzo. Ça te fait plaisir, Enzo, hein? Ah, ben oui, on va prendre, ouais. T'en as pas marre de faire tourner ta mère en bourrique? Si, un peu, mais... Hein? Écoute, pas bien. Tu rentreras les poubelles dorénavant, Enzo. Non. Hein? Et tu feras tes devoirs. Et tu vas faire tes devoirs. Exactement. Okay. Oh, les devoirs en priorité. Okay. Et ben en tout cas, Ghislaine, on vous remercie beaucoup pour votre sourire, votre gentillesse. Oui, oh oui, après moi. On vous fait plein de gros bisous. Merci, bisous à vous. Au revoir, Ghislaine. Enzo, au revoir à toi, t'as assuré, ouais. Tu reviens quand tu veux. Salut, mon pote. Ouais, salut. Tu peux avoir un pack Levin Fun. Ouais, tu raccroches pas, on t'envoie ça. Salut à toi. Fallait pas demander. Fallait pas demander. Dans Levin Fun. Sur Fun Radio. Et on a Ben là qui nous appelle un instant là au standard 01 42 48 5000. On décroche en direct. Ben, t'es là? Salut. Ouais, je suis là. Ouais. Salut, Ben. Salut. Salut Ben, parle bien dans le téléphone. T'as 20 ans, t'es à Marseille. Ouais, voilà. En fait, je vous appelle juste parce que j'ai des problèmes avec mon style vestimentaire au boulot. D'accord, tu vas tout nous raconter dans un instant. Bon, c'est vrai que quand tu vas au boulot, ça dépend des boulots, tu peux pas y aller comme tu veux. Hein. Ah, 01 ouais. 42 48 5000. N'hésitez pas à nous dire si vous aussi vous avez d'ailleurs eu des soucis par rapport à vos fringues que vous portiez dans votre entreprise. 01 42 48 5000. On va revenir avec Kungs. J'adore. On adore tous. Kungs, Don't You Know, à tout de suite. Réagissez à l'émission sur Twitter. Hashtag LevinFun. On parle de la rentrée avec vous et d'Ethanas. Raphaël qui voulait en parler ce soir. Bonsoir Raph. Bonsoir. Du coup, t'as eu ta rentrée aujourd'hui? Ah ouais. Et alors? Ils m'ont cassé les couilles. Allez, ne soyez pas impatients, on débarque à 22h. Oui, soyez là car je vous veux, auditeur de Fun Radio. Marion et Anso, 22h minuit. Night Show. Sur Fun Radio. Hier soir, j'ai rencontré Mathieu, un dîner mythique. Il est mignon, drôle, sexy. Bref, toutes les filles de la terrasse ont flashé sur Mathieu. Mais moi, j'ai craqué pour Vincent. Il est timide, mais c'est justement ça qui me plaît. Rencontrez-vous à l'un des nombreux dîners mythiques. Téléchargez l'appli gratuitement. Mythique. J'étais chez McDo, je commande un menu McFirst à 4,95€ quand deux agents secrets m'attrapent et me poussent dans une camionnette. Non. Alors là, on arrive dans une base spatiale où des ingénieurs me demandent à moi comment orienter leurs fusées qui vont faire décoller. Chaud. Mais t'es calé, ton fusée? Pas des masses. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson. Une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, évitez de grignoter. Prix midi. Pour une aventure extraordinaire. Une aventure née il y a 40 ans. Depuis, Primigi a fait marcher dans le monde entier des millions d'enfants de 0 à 14 ans. Primigi réalise des chaussures uniques en ce qui concerne la qualité des matériaux, l'attention portée aux détails, la variété des collections. Des premiers pas jusqu'aux premières aventures, choisissez le meilleur. Choisissez la qualité Primigi chez les meilleurs distributeurs de chaussures pour enfants. Primigi, le leader italien pour les enfants. Oui, c'est exactement ça, Droppy, t'as tout compris. Tu déposes le CV et t'attends sagement la réponse, d'accord? Qu'est-ce que tu fais? Je cherche un job avec mon pigeon voyageur. T'es sérieux, là? Bah oui. Non, mais laisse ton pigeon tranquille. Il faut que tu télécharges Corner Job. Corner Job, c'est quoi? Une appli simple, efficace, pour trouver un job dans la restauration, le commerce, les services et plein d'autres secteurs. Mais je télécharge direct. Corner Job, téléchargez l'appli. Créez votre profil en une minute, postulez en un clic, recevez une réponse en 24 heures. Corner Job, vous commencez demain. 20h, 22h. 0,42, 48, 5000. Love Fun. Avec Doc, Karel et Alice. Love Fun. Sur Fun Radio. I'm gonna rock your body, take it last though. Gonna rock your body, don't stay no. I'm gonna rock your body, take it last though. Gonna rock your body, don't. On a tous plein de souvenirs de vacances avec ce son. Hein. Kung sur Fun Radio. Don't you know? Love in Fun. Love in Fun. 20h-22h. Avec Doc, Karel et Alice. Love in Fun. Sur Fun Radio. Soyez tous les bienvenus sur Fun Radio. Bienvenue à tous les nouveaux auditeurs, les nouvelles auditrices bonjour, qui se branchent sur Fun Radio pour la première fois. Bonjour à toi. Salut. Salut à toi aussi qui est dans ta voiture, qui nous écoute. Merci. Oui, il nous voit aussi. Mais bien sûr, il nous voit sur le site de funradio.fr. On leur fait à tous des gros coucous, des gros bisous, bien sûr. N'hésitez pas à nous envoyer des petits messages. Le Snapchat de l'émission, Love in Fun Radio, ajoutez-nous. Il y a une story tous les jours à mater sur notre Snapchat. Ouais. On a aussi le Facebook, le Twitter, hashtag Love in Fun. Et c'est Alice qui lit vos messages à l'antenne. En oui. parlant de Snapchat, on a reçu un snap de Mathéo qui nous écoute et nous mate directement sur sa télé. Donc il se met bien, il nous a en grand sur la télé. Donc lâchez-nous vos snaps, on kiffe savoir ce que vous faites en nous écoutant. Grave. Et un autre message de Florine, comment savoir si on plaît ou pas? Parce que je kiffe un mec, mais je n'ose pas trop me lancer. Il faut le regarder déjà. Attends, quand un mec, voilà, c'est l'alchimie qui se produit par le regard, simplement. Et puis, j'ai dû parler, par exemple. C'est déjà pas mal, ouais. C'est le premier, pourquoi c'est le premier pas qui est dur à faire. Mais il suffit d'être simple. On y va juste pour parler. On se dit pas plus. Voilà. Ouais. C'est ça qui est dur, en fait, Doc. C'est qu'on se dit toujours qu'il y aura des conséquences, quoi. Mais ça va venir, ça va venir. Si tu le fais pas, c'est que faut pas le faire. C'est quoi cette phrase de merde? Si tu le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire à ta place. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Si tu le fais pas, c'est qu'il faut pas le faire. Non, si tu le fais pas, c'est que t'es pas prêt pour le faire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ouais, ok. Je pense. Dis comme pense. Ça. On va accueillir Ben. On va accueillir Ben. On va oublier cette histoire. Oui, Ben. Bonsoir Ben. Bonsoir. Bonsoir Ben. Salut. Ben. Tu as 20 ans, tu es de Marseille, Ben. Ouais, voilà. Bah, raconte-nous ton histoire de fringue, là, j'ai rien compris. En fait, un jour, j'étais au taf et je suis arrivé vers mon manager et puis il m'a dit que ça pouvait pas le faire parce que mes chaussettes étaient bleues, en fait, mais ça se voyait même pas. Tes chaussettes étaient bleues et tu t'es fait virer de ton boulot. Bah, en gros, il m'a fait comprendre que fallait que je parte, du coup. Tu fais excuse. Attends, c'était quelle boîte? Ouais. C'est une chaîne de restaurants très connue. Super, vas-y. C'est ça, il n'y a pas 36 solutions. Alors, balance, c'est quoi le nom de la chaîne? McDo. Non, Dell'Arte. Pizza Dell'Arte. Ah, bah oui. D'accord, ok. Ah, pas cool. Attends, t'as des chaussettes bleues, ils t'ont viré à Pizza Dell'Arte? Bah, c'est pas les couleurs de Dell'Arte, attends. Mais non, les chaussettes noires normalement, mais ça se voyait pas parce que j'avais un jean assez qui tirait et il y avait pas d'écart entre les chaussures et le pantalon et quand même il a quand même vu quand j'ai marché, du coup il m'a dit de montrer mes chaussettes devant tout le monde quoi, pour un. Ouais. Ok. Ouais. Non mais il y avait pas que ça. Tu vas pas me faire croire que tu t'es fait non. virer. Non, mais je pense que ma tête lui revenait pas du coup. Ah, il aimait écoute, pas ta gueule, ça c'est différent. Ouais, voilà. Ah, ouais. T'es jamais reparti chez eux alors? Il s'acharnait, bah non, en tant que client même, là, il vient, ouais, c'est chaud, c'est tendu. Ah quoi. Si, tu pourrais y aller avec des chaussettes roses, tu pourrais y aller comme client, bah, s'il te vire aussi. Ah bah non, ouais, mais si c'est un code, c'est un dress code que tout le monde doit avoir des chaussettes noires, c'est comme peut-être. Ça. Hein. Non, mais c'est vrai, après, quand tu signes un contrat, il y a des choses qui sont marquées dedans, faut peut-être les regarder, Ben, je sais pas, t'avais vu des trucs comme ça ou ouais, des... ouais, non, non c'est pas clairement expliqué en fait. D'accord, ok. Ah, tu vas dire que tu l'as pas lu. Ouais. De toute façon, maintenant, il est viré, hein. Oui, de toute façon, foutu pour foutu. Et alors, tu sais quoi, t'es pas le seul, parce qu'il y en a plein qui réagissent là au standard. Ah, 01 42 48 5000, Océane, 17 ans de Rouen. Bonsoir, Océane. Salut, l'équipe. Salut, ma chérie. Toi aussi, t'as eu un souci, code vestimentaire, travail, tout ça? Ouais, c'est ça, en cours. Donc, c'est pour une salopette avec les bretelles baissées. En cours? Ouais, en cours. Et ils t'ont dit quoi? Donc, je l'ai mise plusieurs fois. Donc, je me suis fait d'abord exclure une journée. Et après, je me suis fait exclure 3 jours parce que je l'avais remise. Mais c'est n'importe quoi. Parce que on a parlé aux salopettes. C'est quel genre d'école? Bah non, mes profs, ils disaient que c'était pas professionnel. Que d'accord. C'est une école privée. C'est pas forcément. Non, même pas. C'est un lycée pro. Lycée professionnel. Ah mais t'avais quelque chose sous la salopette ? Ouais, t'étais pas à poil quand même. Hein. Ouais, non, non. À lycée pro, t'apprenais quoi comme métier ? Donc c'est pour être agent d'accueil. Voilà, ah bah, t'as tout compris. Il faut aussi une tenue, peut-être qu'il t'avait dit aussi, je sais pas, enfin, quelque chose comme ça. Agent d'accueil, forcément, oui. C'est-à-dire que voilà. Les autres qui étaient avec toi en cours, elles étaient habillées comment, les filles ? Donc, normal, il y en a, s'il y en a, ils sont avec des jeans à trous, ils leur disaient rien. Enfin, tout le monde fait la fête. Ah, mais c'est chelou. Ouais, non, mais parfois, t'as des gens qui peuvent pas te saquer et qui t'allument, quoi. Qui t'enclenchent et tout à chaque fois. Possible. C'est toi qui prends, quoi. Ça arrive. Et t'en es où, là, Océane ? T'es toujours dans ce bahut, là ? Ouais, c'est ça. Cette année, direct à la rentrée, ils m'ont dit, ouais, t'as pas intérêt de remettre ta salopette, quoi. D'accord. Bah, tu sais quoi, tu la mets demain. Ouais. Tu la mets demain. Putain de merde. Attends, en même temps, l'écoute pas parce que lui, dit de faire ça, il le ferait pas. Alors ça c'est pas vrai Doc. Allez demain tu viens en salopette. Moi j'ose tout Doc. Rien ne me fait peur. Demain je viens en salopette. Ok. Ah, j'ai pas d'argent pour ici. Le radin. Qui c'est qui? Non attends. Moi j'ai une salopette. Je te prête une combi. Vas-y si tu veux je viens. Mais une salopette short ça va être sympa. Ok. Ah il sera trop beau comme ça. Ah bah voilà. Eh bah, voilà. Tu sais quoi? Je vais la mettre pour toi Océane. Elle s'en fout. On verra demain alors. Loïc t'es là? Ouais. Salut Karel. Salut Doc. Comment salut. Ça va? Bah, ça va bien. Loïc t'as 23 ans. T'es à Roubaix. C'est ça. Ok, tu t'es fait virer toi aussi ? Alors non, je me suis pas fait virer, mais je suis pas passé. Pas passé loin. Bien sûr. En fait, moi, si tu veux, j'étais parti en vacances une semaine. Mais moi, je travaille dans le commercial. Oui. Et je suis parti une semaine en vacances avec des potes. Oui. Et on s'est dit, pour rigoler, pour taper un petit délire, comme ça, on s'est dit qu'on allait faire un petit anneau à l'oreille. Ouais, et, ok. Du coup, quand je suis arrivé au taf, quoi, à la boîte. Ils m'ont dit, alors là, non, surtout pas, c'est soit t'enlèves ton anneau, ou soit t'es viré. Et du coup, comme j'ai eu peur pour mes couilles, j'ai enlevé mon anneau. T'as baissé ton froc. T'as baissé ton froc, Loïc. Alors qu'on a le droit d'avoir un anneau, bordel, sans déconner. On fait non, ce qu'on c'est veut. Bien ouais, de t'en mettre. Bon, c'est les règles du boulot, les règles, c'est les règles, faut les respecter. Non, mais c'est pareil, si t'as des c'est tatouages. Bien, c'est bien ce que t'as dit, c'est bien, oui. Non mais les règles attends, du travail. Attends, il a raison, il reconnaît. T'as le droit d'avoir un anneau, putain. Il a le droit de provoquer, mais si c'est pas autorisé, c'est pas autorisé. C'est les règles, voilà. Ouais, après. Moi j'ai envie d'en avoir un, je le mets en dehors du taf. Je le mets quand voilà, j'arrive le matin, je l'enlève. Et après quand je sors du boulot, je le remets, c'est comme ça. Après, mais, bien je sors avec, hein, c'est le boulot. Parce que, je veux dire, à l'époque, je sais pas comment ça se passait, mais tu sais, autant de nos parents, nos grands-parents, enfin, je veux dire, t'avais un tatouage, t'étais un loubard, quoi. Genre, t'étais un délinquant, quoi. J'étais tout petit, mais ouais, j'ai mais connu ça, à lycée. À l'époque, aujourd'hui, ça a changé. Bah, j'ai ouais, connu à lycée où le proviseur faisait le jour de repos la tournée des chaussures. Les mecs qui étaient en randonnion dans l'école, debout, sans bouger, il arrivait et regardait si toutes les chaussures étaient cirées. Doc est né en 1830, hein, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Hein. Je te jure que j'ai ce souvenir-là. Putain, c'était un pensionnat ton truc, non ? C'était moi, ça. J'étais interne. Ah, t'étais j'étais interne. Tout petit. Ça fait très militaire, quoi. Ah ouais, grave. Un peu comme l'émission Garde à vous et compagnie. À l'époque, les profs, t'avais des sévices corporels, quoi. Ils te donnaient des coups de règle sur les doigts et tout, quoi. Ouais. Ouais, mes parents, ils m'ont raconté ça et tout. Oh, j'avais des coups de règle. Tu peux t'estimer heureux que t'es un. Ah, moi, je me souviens, il y a un surveillant général. Il y a un surveillant qui avait une chevalière. Ouais. Quand tu faisais une connerie, il s'approchait de toi, il te donnait bam sur la tête. Oh putain, ça c'est horrible. Mais maintenant, si tu fais ça, t'es genre plein des parents et tout, tu peux plus rien faire de toute façon hein, quand t'es pas. Ouais. Je me souviens de cette. Mais tu sais quoi, t'en as pas eu assez. Il aurait dû te taper encore un peu plus, hein, je pense. Hein. D'ailleurs, si vous voulez voir une vidéo où on en fout plein la gueule au Doc, je dis un truc important. Si vous voulez voir la vidéo YouTube qu'on vous a mise où Doc s'en prend plein la gueule hier quand il. C'était à propos de l'école d'ailleurs. Hein. Je sais plus c'était quoi l'histoire. Hein. C'était un élève qui avait lancé un bout de papier sur son prof. Et qui j'avais dit qu'il fallait assumer ses. Voilà, c'est ça. Et t'as dit que c'était un mauvais élève, donc tu t'en es pris plein la gueule. Non, j'ai pas dit ça. Non. J'ai dit, il faut assumer ses conneries. C'est vrai. Ne pas faire punir les autres, c'est pas pareil. On voulait voir Doc qui s'en prend plein la gueule, n'hésitez pas à la chaîne YouTube Love and Fun. En attendant, Benjamin, je te remercie beaucoup. On te fait un gros bisou et j'espère que ça va aller pour toi. Pareil pour Loïc, Océane et Ben. Hein. Benjamin, on l'a pas pris. Et je lui dis au revoir et on l'a pas pris. Et bah écoute, Benjamin, t'es là ? Ouais, je suis là, ouais. Ah bah oui, heureusement que... Alors, Benjamin, on t'accueille. Ça fait plaisir de passer, là. Ah bah oui. Non, mais Karel, à mon avis, il t'aime pas, Karel. Non, c'est pas ça. Non, mais il t'aime pas. Hein. J'étais déconcentré. Benjamin, excuse-moi. Défends-toi, Benjamin. Qu'est-ce que tu veux ? Pas de soucis. On n'a plus le temps. Salut, Benjamin. À bientôt. On t'écoute, Benjamin. Non, moi, je disais, après, c'est pas au niveau de l'uniforme, c'est pas au niveau des vêtements. En fait, moi, je suis dans un vraiment depuis 5 ans. Enfin, j'étais. Je me suis fait un tatouage avec ma copine. C'était un. Voilà, c'est un truc entre nous, complices. Et en fait, comme il dépassait un petit peu du manche, de la manche courte que vous voyez en gendarmerie, en fait, eh ben, on m'a demandé de quitter gentiment les rangs de la gendarmerie, tout ça, pour un tout petit bout de tatouage qui dépassait. Sérieux? En fait. Non, mais c'est dingue. Ouais. J'ai vu des militaires tatoués. Mais bien sûr. Complètement tatoués. En fait, ah, oui, oui. Au départ, tu les vois nus généralement en plus, Doc. Non, mais bon, sûr. Au départ, on m'a obligé à mettre un t-shirt manche longue, en fait. Et en été, il était 40, 45, ça dépend, j'étais en Corse ou autre. Et je dis, bah, moi, je peux plus, moi, je mets plus de manche longue. Et en fait, ils m'ont dit, bah, c'est ça, ou alors tu dégages. Et du coup, bah, je dis, bah, je me barre, moi, je vais pas crever de chaud. Parce que j'ai soi-disant un tatouage qui dépasse de 2 cm sur mon bras, en fait. C'est vachement étonnant, je savais pas. Et tu t'es fait vieux, mais t'étais stagiaire, t'étais quoi? Non, en fait, j'ai fait GAV pendant 2 ans, ce qui est la procédure à peu près normale. J'ai fait mon école, machin, j'ai été pris. Et à ce moment-là, j'avais pas le tatouage, donc ils ont rien pu dire. Et je l'ai fait pendant que j'étais gendarme. Et en fait, ça n'a pas plu du tout, sans que j'ai demandé. Donc, t'es plus gendarme. Donc, je suis plus gendarme. D'accord. C'est pas grave. Bah, carrément, je trouve ça. Après, moi, je suis persuadé qu'il y a des gendarmes qui nous écoutent qui ont un gros tatouage et il n'y a pas de souci, quoi. Ça doit, ça doit dépendre. C'est parce que ça dépasse pas, quoi. Si c'est sur le sexe, c'est pas. Oui, c'est sûr. Ou dans le dos. Bien sûr. Et ouais, tout de suite, Doc, il pense au tatouage sur le sexe. Hein. C'est ça. Ah non, mais là, le truc qui ne se fait pas, qui n'existe pas. A priori, tu ne montres pas à ton chef, faut voir quel genre de chef c'est, mais bon. Ouais, je sais bien. En attendant, Benjamin, tu veux passer un message à cette personne qui t'a licencié comme ça? Ouais, bah, va bien te faire, hein, tu vois, parce que. Ah, bah, dis-le, lâche-toi. Allez, va bien te faire enculer parce que t'as raté quelque chose d'une grande personne. Ça fait du bien ou pas, Benjamin? Ah ouais, ça fait vraiment du bien. Et passer à côté de Benjamin. Et c'est pour toi, monsieur méchant. C'est gentil. Monsieur méchant. C'est monsieur méchant. Insulte de dingue. Ah ouais, monsieur le grand méchant. C'est gentil, ça m'a fait plaisir. Salut, Benjamin. Salut. Merci bien, salut. Loïc, Océane, Ben, on fait des gros bisous. Dimitri est avec nous, 17 ans, d'Albi. Bonsoir Dimitri. Salut. Salut l'équipe. Salut Doc, salut Karel, salut tout le monde. Dimitri, 17 ans, et t'appelles pourquoi ce soir? Ben, j'appelle parce que j'ai besoin de vous, en fait. Demain, j'ai rendez-vous avec un plan cul et je sais pas comment ça va se passer. Du coup, je pourrais avoir des conseils. C'est ton premier plan cul? Ouais, c'est mon premier plan cul, ouais. À l'expérience. J'ai déjà eu des relations sexuelles, mais c'est mon premier plan cul. On en parle après Sigala et Give Me Your Love sur Fun Radio. Be selfish, but I'll take your pain. When you get weak, I'll make you strong again. When all is lost, I will comfort you. So give me your love. I need it. Give me your heart. I'm bleeding. Give me your love, I need it, oh yeah, oh yeah. Give me your love, I need it, give me your all, I'm pleading. Give me your love, I need it, oh yeah. Why don't you give me your love? Sigala, Give Me Your Love sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Appelez Doc, Karel et Alice. 20h, 22h. Fun Radio. 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone. Appelez-nous hein, tous les soirs sur Fun Radio. Les packs Love In Fun, vous repartez avec un dégoût passé sur antenne. Dimitri est avec nous là. Bonsoir Dimitri. Salut l'équipe. Salut Dimitri. Salut. T'as 17 Salut. Ans et t'es d'Albi toi Dimitri. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, alors on va se calmer avec ton téléphone là, parce que là je sens que t'es en train de le bouger dans tous les sens. Calme-toi bien, d'accord? Ouais. Hein, c'est pas ton téléphone qu'il va falloir frotter, j'ai l'impression. Hein, tu nous appelles pourquoi? Parce que en fait, demain, t'as vu, j'ai rendez-vous avec un plan cul. Enfin, à la base, c'était aujourd'hui que j'avais rendez-vous. Ouais. Sauf que du coup, je vous ai appelé hier parce que j'avais rendez-vous aujourd'hui, mais hier, j'ai pas pu passer. Alors du coup, j'ai appelé la meuf ce matin. J'ai dit une excuse bidon que j'avais rendez-vous chez le docteur. T'as reporté pour un nos conseils, quoi. Il est trop fort. Ouais, alors, voilà. Juste. Et dis-nous, qui c'est cette fille? Comment ça se fait qu'elle t'a proposé un plan cul? Ben en fait c'est une meuf que j'ai rencontrée en ville quoi, j'étais avec des potes à moi. Ouais. Et je l'ai rencontrée la meuf tout et on a commencé à parler et tout. Ouais. Et après plus ça va, plus on parlait sur Facebook. Et elle m'a demandé, enfin j'ai demandé qu'est-ce qu'elle recherchait elle, si elle recherchait du sérieux ou du cul ou autre, et elle m'a dit je recherche plus du cul. Okay. Et donc du coup, ben dans ma tête, ben j'ai dit ben c'est bon, michto, j'arrive. Et voilà. Ok. Et du coup, toi, alors, comment t'imagines ça en fait? T'imagines que toi, tu vas rentrer dans le truc et direct, t'as être à poil, c'est ça? Mais non, mais en fait, c'est ça le truc. Je sais pas si je rentre dès que je vais arriver chez elle et je vais sonner. Je sais pas si dès que je rentre, j'y rentre dedans. Ou si j'attends un peu, si on boit deux, trois bières et un frigo. Dimitri, non, c'est pas. Attends, tu vas quand même à une relation sexuelle avec une fille. Oui, c'est pas un être virtuel. N'est pas un animal. Alors, c'est pas parce qu'elle accepte de coucher. Et qu'elle veut, disons, coucher avec toi sans sentiment, c'est un peu, c'est pas ce qu'il dit, que tu ne dois pas y mettre les formes, enfin, je sais pas, c'est pas un animal, non? Hein? Mais non, mais je sais, ouais, mais c'est pour ça, je savais. Alors, je vais aller à contresens de ce que vient de dire Doc, parce que il y a aussi des plans cul, je suis désolé de le dire, où ça se passe comme ça. La meuf, elle t'accueille, on se fout dans le lit, on baise, et à la fin, tu te casses. Ouais, mais c'est souvent pas la première fois. Tu vois, c'est des fois quand ils ont pris l'habitude et ils se revoient et hop. Bim, ah, Alice, tu as donc une expérience, j'ai l'impression. Non, j'ai pas une expérience. Je prends du recul, je réfléchis et je me dis que. Non, mais voilà. Ouais, c'est ce qu'on dit. Mais je pense que voilà, vous pouvez discuter un petit peu avant de passer à l'action, quoi. Bah, grave, ouais, faut faire un juste milieu. Hein. Tu l'as déjà vu, tu as déjà parlé. Ouais, on s'est déjà vu en face à face, on a déjà parlé et tout, et c'est là, ben voilà, quoi. Et arrête avec ton téléphone, je te jure, c'est. Et toi, t'es pas amoureux d'elle? C'est relou, Dimitri, ton téléphone. Non, je suis pas amoureux d'elle parce que le pire, c'est que j'ai une meuf, en fait. Oh là là. Ah non. Mais non, on va plus te conseiller pareil, c'est là. C'est pas bien. Dimitri. Mais bah non, Dimitri. Oh, tu n'iras pas, ce n'est pas bien. Elle est jalouse. Ah putain. Ma copine, oui. Et ah ouais. tu couches déjà avec elle? Non. Ah oui, d'accord. Attends, ça fait combien de temps que t'es avec? Ben, ça fait un mois et demi que je suis avec elle, et enfin, voilà, quoi. T'es amoureux? Je suis avec elle. Ah, bah non, ils sont fous. Ouais, je suis amoureux. Ah, arrêtez de dire amoureux d'elle, non, en fait. Attends, non, si, je suis amoureux d'elle, mais vu qu'il n'y a pas de cul, que, enfin, voilà. Non, mais attends, mais justement. Et moi, je t'aimais bien au début, Dimitri. Non, mais c'est vrai, Dimitri, c'est pas bien ce que tu dis. Tu viens de te mettre avec une nana, ça fait un mois que t'es avec elle, parce que tu fais pas encore l'amour avec elle, tu vas aller te taper n'importe quelle meuf. Il y a plein d'autres jeux excitants à faire avant. Bah, bien sûr, vous pouvez, je vais te dire, surtout Dimitri, je pense que t'es pas très amoureux, en fait. Ouais. Ah oui. Je pense aussi. Hein. Non, c'est vrai. Dimitri. Ouais, je sais pas, en fait. Et puis l'autre, elle t'a pris de court avec ses envies attends, de cul. Attends, on répète, tu n'es pas très amoureux. Ouais, en fait, je sais pas si je suis vraiment amoureux d'elle ou pas. Ouais, là, c'est sûr. Hein. Ah, mais même. Ne lui fais pas espérer une histoire si elle est amoureuse de toi. Enfin, voilà. Parce qu'après, elle va nous appeler et on va taper à l'antenne. Elle va faire un sexy chocolat. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que mon mec me trompe. Ah, Dimitri, on le connaît. Ouais, c'est Dimitri. Ah, bah voilà, oui, mais bien sûr. Attends. On commence à vous connaître, vous tous, hein, qui nous écoutez tous les soirs. Non, mais Dimitri, soirée glow avec ta meuf. En fait, tu voulais notre conseil ce soir? Eh ben, va pas voir ton plan cul demain et essaie plutôt de construire un truc avec la nana. Il s'en fout, il est pas amoureux, tu rigoles. Il est avec une fille pour être. C'est ça, Dimitri, on est d'accord, hein? Ouais, c'est. Eh ben, non, casse. Je l'aime un peu quand même. Ouais, c'est ça. Non, mais alors séduis-la, elle? Bah oui, parce que c'est avec elle aussi que tu pourrais faire l'amour. Et là, ce sera autre chose qu'un plan cul où t'es juste là pour niquer, quoi. Ça se trouve, la meuf, elle va te faire super peur. Mais dis-moi, hein, Dimitri, ce que tu veux, toi, c'est coucher. pas que ça, mais qu'il y en ait un peu quand même, quoi. De toute façon, je suis persuadé là maintenant, tu sais quoi, je vais te jeter un mauvais sort, je suis sûr que tu banderas pas demain. Ah, j'espère aussi. t'auras pas la gaule. Et elle va rigoler quand tu baisseras ton froc. Ouais. Elle a quel âge, la fille, ton plan en cul, comme tu dis? Elle a 19 ans. Ah, elle est plus vieille. Ah, en plus, elle est plus vieille. Ouais, mais tu verras, elle va pas assurer. Vous allez pas assurer. Mais tu l'as déjà fait, toi, Dimitri? Mais oui, j'ai déjà fait. De quoi? Oui, j'ai déjà couché, oui. Combien de fois? Je sais pas, 5 ou 6. Ouais, donc c'est pas énorme non plus, hein. T'as pas une grande expérience. Ben, demain, tu vas te retrouver avec une nana qu'on a beaucoup, tu vas avoir un peu la pression quand même. Hein. Mais non. Mais c'est ça qui l'excite de toute façon, c'est sûr. C'est une question d'expérience. Une question bon, Dimitri, simple. De toute façon, on va pas y aller à ta place. Hein. N'y va pas. Doc aimerait bien, mais bon. Non, sur moi pas. Il fait conseil d'Alice, n'y va pas. Ouais, n'y va pas. Je pense que t'as des trucs à vivre avec ta meuf actuelle. Oui, règle ton problème avec ta meuf actuelle. Je pense que c'est pas mal. Ouais. Bah oui, s'il y a des sentiments. Kassim, il ferait quoi, lui? Alors, si c'était Kassim qui devait aller à ton rendez-vous, crois-moi, dans ta situation... Bah j'y vais. Ah bah oui. Voilà. Mais t'es con, vas-y, t'emmerdes pas avec ta meuf, vas-y, fonce. Donc tu fais partie de la catégorie des Kassim, c'est ça, Dimitri? Bah, il faut bien se vider le poireau de temps en temps. Ouais, un peu, mais tu seras malheureux, tout seul avec ta teub, ça ne va rien. Moi, je le ramasse à la petite cuillère, le Kassim, de temps en temps. Mais comme dit le proverbe, mieux être tout seul avec sa teub que être emmerdé avec une meuf. Oh, je viens d'inventer. Personne ne dit ça. Et Kassim, il fait le beau gosse comme ça, genre je fais l'amour avec plein de meufs, mais souvent il vient me voir et il me dit putain, il n'y en a jamais une qui tombe amoureux de moi. À part ta meuf. Mais ça, c'est normal, elle est généreuse. Elle est généreuse. Ouais. Elle a de la pitié. Bon. Grave. C'est exactement ça. Dimitri, je te fais une grosse bise. Et tu sais quoi, on se rappelle demain soir peut-être. Oui. Hein, pour savoir comment ça s'est passé, d'accord? Sur toi. Hein. Ok, ça marche. Il y a moyen de faire une dédie? Ouais, vas-y, bien sûr. À ma meuf. À ta copine. Hein. Ouais, n'oublie pas ta meuf. Ben ouais, je fais une dédicace à ma meuf, je fais une dédicace, après je fais une dédicace Dimitri, t'es pas un peu mytho, là? T'es pas un peu mytho? Non, il est pas mytho, c'est juste qu'il a envie de se faire il plaisir. Il a conscience, c'est tout. Voilà, Dimitri, salut à toi, tu reviens quand tu veux. Salut. Attendez, j'ai pas fini. Dédicace à ma meuf, à Jordi, à Delphine, à Sarah, à Florian et à Alex. À la pêche et bonne pêche, les gars. Bonne pêche. On salue tous les amis pêcheurs qui nous écoutent et les chasseurs aussi. On les embrasse fort. Arthur, t'es là? Ouais, je suis là. Salut Arthur, salut. 17 ans à Angers, dans le Maine-et-Loire 49. Tu nous appelles pourquoi? Bah, je voudrais vous poser une question à propos des femmes fontaines. D'accord. Ah oui, quel grand mystère. Hein? Ça vous a, oui. Oui. Ah bah oui. Ah bah non, mais souvent on a des questions comme ça, qu'est-ce que c'est qu'une femme fontaine? On va tout vous expliquer dans un instant, une démonstration d'Alice d'ailleurs, puisque elle-même pratique la femme fontaine. Sortez les kawaii. Ouais. Et en attendant, on va écouter Felix Jane sur Fun Radio avec Bonfire, maintenant dans la Vin Fun. Close my eyes and I just breathe. Fire, fuel to the fire. Run your mouth, you can run your mouth. Think you're rain from my fire. Félix, Jane sur Fun Radio et Bonfire. Love in Fun. Love in Fun. 20h-22h. Avec Doc, Karel et Alice. Love in Fun. Sur Fun Radio. Le kiff d'être avec vous tous les soirs sur Fun Radio. Standard 0142 48 5000 pour nous appeler. On va très vite accueillir Arthur. Arthur, 17 ans d'Angers. T'es là, Arthur ? Ouais, je suis là, je suis là. Bonsoir, bonsoir. Salut. Arthur. Raconte-nous pourquoi t'appelles. Tu voulais poser une question, toi. Hein. Ouais. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Du coup, hier, j'ai fait l'amour avec une fille. Mmh. Et en fait, au bout de quelques secondes, à un moment, elle est devenue femme fontaine. Genre, on s'est regardé. Elle s'est transformée en femme fontaine. Attends, décris ce que tu as vécu très précisément. Elle est devenue femme fontaine. Ah. Ouais, c'est ce qu'il croit. Mais vas-y. Et en fait, voilà, ça aspergé partout, sur mon ventre, tous les draps, le matelas. Ah oui, il y avait beaucoup d'écoulement. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que c'est, Doc? Ça peut. Pas que, mais en partie. C'était au moment de l'orgasme, c'est ça, enfin son orgasme, elle. Il sait même pas si elle a un orgasme. Non, mais est-ce qu'elle a joui, Arthur? Ouais. À ce moment-là, ça entraîne une contraction des muscles autour du vagin. Et si ça vessie est pleine, en plus, il peut avoir une mission d'urine, oui, c'est possible. Non, mais voilà, ça veut dire que tu lui as provoqué beaucoup de plaisir. Oui, ça c'est sûr, c'est un orgasme, c'est au moment de l'orgasme. Ça c'est une certitude, oui. Ça peut arriver à toutes les filles, Doc? Non. Alice, par exemple, tu n'es pas femme fontaine? Non, hein, du tout. D'accord, ok. Pardon. Dommage. Non, mais j'aurais aimé te dire oui. Malheureusement. En fait, ça fait fantasmer Karel à fond, mais bon. Ah, bah alors je suis femme fontaine, évidemment. Ah oui, bah, ouais. Incroyable. Ouais, regarde, il sert Pierre sous la chaise, voilà. C'est tout ce qu'il faut. On se fait plaisir. Non, mais moi, j'ai. Je veux savoir comment Arthur avait réagi à ça. Ouais. Comment t'as réagi? Parce que les garçons sont souvent interpellés devant ça. On s'est regardé un petit moment de blanc. Puis, Elle m'a regardé, j'ai vomi. Mais c'était quoi? Ça t'a dégoûté, pas dégoûté? Non, après, on a fini, on a continué. Ah, d'accord. Ok. Dans la piscine. Ah. En nageant, ouais. En nageant, c'est ça. Non, mais Arthur, voilà, tout va bien, ça prouve juste qu'elle kiffe, c'est tout. T'es amoureux d'elle? Oui. Non, c'était juste. Un petit coup comme ça, tu vois. Voilà. Ça sans déconner, c'est incroyable. C'était juste pour un petit coup. Raconter ça à ses copains. Ouais, voilà, c'est ça. Oh putain. Et j'ai appelé Love in Fun, ils m'ont bien dit qu'elle était devenue femme fontaine, hein, bien sûr. Grâce à moi. Ah oui, et Doc m'a dit qu'il y avait même un peu d'urine dedans. Donc en fait, elle m'a pissé dessus, la meuf. Arthur, tu reviens quand tu veux sur Fun Radio. Ok, est-ce que je peux avoir un pack Love in Fun? Ouais, tu raccroches pas avec les capotes et tout, ça va servir, j'ai l'impression. Ouais. Salut Arthur. Salut. Merci de nous écouter. Salut l'équipe. Salut. Et Vlad sera avec nous dans un instant. Vlad, 18 ans, de Rennes, qui veut savoir où il en est avec son ex. On l'appellera bien sûr, hein, son ex. Et puis on aura la question de l'internat. Vous êtes en internat, c'est le moment de nous appeler là au standard. Déchirez tout, 01 42 48 5000. Il y a plein de capotes qui partent dans l'internat. Ça, c'est le gros cadeau qu'on vous offre bien sûr. Et puis on va écouter du son dans un instant avec Sound of Legend d'ici quelques minutes. Et ça, c'est bon. Et ça, j'adore. Komodo. Le son de la teuf, à tout de suite sur Fun Radio. Suivez-nous sur Snapchat. Le 30 septembre, Fun Radio et Cdiscount vont réaliser votre rêve. Vous laisser seul dans les entrepôts du numéro 1 du e-commerce en France. Pour vous faire plaisir, en mode no limit. High-tech, téléphonie, gaming, déco, jouets, électroménager, mode. Vous pourrez prendre le maximum de cadeaux et repartir avec. De 6h à 9h, toute l'équipe de Bruno dans la radio. This is fun. Vous fera vivre une émission de dingue en direct des entrepôts de Cdiscount près de Bordeaux. Alors, ça vous tente? Venez assister à l'émission en envoyant un mail à bruno@funradio.fr. Le casse du siècle chez Cdiscount, c'est sur Fun Radio. Avec Cdiscount, vous êtes plus riche que vous ne le croyez. Hier soir, j'ai rencontré Alice à une soirée karaoké mythique. Elle chante super bien. En deux notes, elle enflamme toute la salle, Alice. Mais moi, c'est Laurie qui me fait craquer. Elle chante complètement faux, mais c'est justement ça qui me plaît. Rencontrez-vous à l'une des nombreuses soirées mythiques. Téléchargez l'appli gratuitement. Mythique.

Salut Vlad. Salut à toi Vlad. Raconte-nous hein, pourquoi tu as besoin d'aide ce soir Vlad. Alors en fait j'ai besoin d'aide parce que je suis avec ma copine depuis 4 ans, donc j'ai 18 ans, donc j'ai passé toute mon adolescence avec elle. Ouais. Et le truc c'est que limite du jour au lendemain en fait elle m'a dit carrément qu'elle m'aimait plus et qu'elle sortait à m'aimer quoi en fait. Et elle sortait avec un autre mec? Non. Mais en fait elle t'a quitté. En fait, bah ouais voilà c'est ça. Et puis le truc c'est que bah à ce moment-là elle parlait beaucoup avec un mec quoi, et puis moi je le savais et du coup je pense que ça a joué beaucoup. C'est qui ce mec? Elle est avec en ce moment ou pas? Ah non pas du tout, non elle l'a jamais vu ni rien, c'est un mec qui lui a parlé sur Facebook quoi. C'est surtout que votre histoire elle est particulière, enfin je veux dire c'est entre 14 et 18 ans, c'est des moments hyper forts quoi, je veux dire t'es jeune et tout, ça te marquera toute ta vie. Toutes mes premières fois c'est avec elle, je veux dire la première fois que j'ai fait l'amour, première fois que j'ai embrassé une fille, première fois que j'ai voyagé. Est-ce que tu l'as déjà trompé? Non, jamais. Jamais. Est-ce que tu es déjà tombé amoureux d'une fille? Non, jamais. Non. D'accord, très bien, c'est important. Ça elle le sait. Ça s'entend. Oui, bien sûr. Mais bon, il est à fond. Question. Il est à fond, Vlad. Très bien. On va lui passer un petit coup de téléphone. Et après, on va lui parler. Donc, tu lui poses la question. Voilà, qu'est-ce qu'on fait, hein, concrètement? Est-ce qu'on se remet ensemble ou pas? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et après, on se met au clair avec toute l'équipe, d'accord? Ouais, elle s'appelle. Problème, c'est qu'elle va raccrocher, sans doute. Elle s'appelle Hélène. Oui. D'accord. C'est une fille. Allô? Allô, Hélène? Oui. C'est Vlad. À quoi? Je voulais savoir, en fait, si on pouvait parler 5 minutes. Ah oui, effectivement. Ah oui, non, mais voilà, c'est ce que je disais. On est sur de la conversation plutôt longue, hein. On est sur un mauvais délire là. Là, visiblement, la dernière fois qu'elle te l'a dit, c'était une rupture franche ou c'était comme ça? C'était comme les deux dernières fois quoi. Elle m'a bloqué sur Facebook au début et après là, elle m'a redébloqué, mais après je comprends pas quoi. Puis le truc c'est que j'ai l'impression que c'est un peu plus concret que d'habitude avec le gars en question. Quoi, ouais, parce que, c'est peut-être ça. Voilà, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui a changé dans votre situation? Elle est plus au lycée? Ils ont grandi. Hein. Oui. Alors, c'est la réponse, on va lui parler direct. Oui, allô? Allô? Allô, Hélène? Oui. Oui, bonsoir, Hélène. Excuse-moi de te déranger, en fait. Je t'appelle, je suis Karel, t'es en direct sur Fun Radio, avec Doc, avec Alice. Salut. D'accord? Oui. Voilà, et moi aussi je suis breton, dis donc. T'as vu ? Moi je suis de Saint-Brieuc. Et ce soir, si on t'appelle, c'est parce que on est avec Vlad, qui nous a appelé ce soir dans l'émission et qui voilà aimerait comprendre un petit peu où tu en es. Là, je sais qu'on a essayé de t'appeler, tu lui as raccroché au nez. Je crois qu'il a besoin d'être fixé, Vlad. Ouais, juste des explications. Ouais, qui sache un petit peu. Voilà, qu'est-ce qu'il doit faire par rapport à toi? Est-ce qu'il faut qu'il arrête un petit peu de t'envoyer des messages et qu'il arrête la relation? Ou est-ce qu'il peut continuer d'espérer? Elle a raccroché. Elle a raccroché, oui, j'ai entendu qu'elle a raccroché. Voilà, bon. Bon, bah, voilà. Moi, je pense qu'il faut que tu lâches l'affaire, hein, sérieusement. Ouais, c'est sûr. Même. Parce que là, elle va finir par te détester, quoi. Oui, en fait, de toute façon, dans les deux cas. Mais oui, mais ce que je veux dire, c'est que là, elle est vraiment dans un mauvais mood. C'est toi qui dois comprendre. Et peut-être l'histoire est finie et je comprends pour toi, c'est extrêmement douloureux et pénible parce que tu as des sentiments, donc c'est des choses qui arrivent, ça. Le premier amour, c'est ce qu'il y a de plus dur en fait, hein. Oublier la tristesse que tu peux avoir, c'est terrible. Hein. Mais, surtout que c'est toute mon adolescence que j'ai passée. Bien sûr. Quoi, donc, mais tu vas grandir aussi avec ça, quoi. Déjà, le truc, c'est qu'au mois d'août, j'ai eu quand même le temps de prendre un peu de recul et tout ça, donc voilà, mais après, ça fait... Mais en même temps, Vlad, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Je comprends tout à fait tes sentiments. En même temps, dans une relation amoureuse, il faut pas être dans la situation de se faire du mal, un peu masochiste, de se faire du mal parce qu'on va aimer quelqu'un qui t'aime pas. Et que donc, tu vas souffrir encore plus parce que tu vas tenter de lui prouver que tu l'aimes, de tout faire pour lui montrer que tu l'aimes, alors qu'elle, finalement, elle est très loin de ça. Alors, je vais te dire pourquoi tu te pourris la vie. Parce qu'effectivement, ça prouve que tu es capable de sentiments. Et quand on est capable de sentiments, ben on peut pas switcher comme ça, on a claqué dans les doigts, je passe à autre chose. Non, on a ce qu'on appelle un travail de deuil à faire, d'une relation où on s'est beaucoup investi, qui a compté pour toi énormément, et que ce travail-là, il prend un temps. Hein. Alors après, chacun son temps, hein. Ça peut être 2 mois, 3 mois, 6 mois. Alice a beaucoup pleuré pour son premier amour. Ah ben oui. Et cette période est nécessaire. Elle est extrêmement pénible au début, un peu moins par la suite, même si tu continues à être triste, parce que tu finis par te dire que finalement t'existes, hein, avec les autres aussi t'existes, tu sors, tu t'amuses, t'as des projets. Qu'est-ce que t'as comme projet dans la vie? Tu es en classe, tu fais quoi? Bah là en fait pour l'instant je suis en intérim et je compte soit aller en police ou en gendarmerie quoi. T'es un intérim sur quoi? En manutention pour l'instant. Manutention. Et donc tu voudrais passer le concours de gendarmerie de police, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, bah écoute, ça voilà un bel objectif. Certes, ça ne va pas tout compenser, mais au moins, ça te permet, de, par rapport à toi, d'avoir une bonne image. Après, il pourra le mettre en état d'arrestation, comme ça, il pourra discuter avec elle, la menoter, enfin voilà quoi. Voilà, c'est ça. Hein ouais. C'est pas mal. Le problème, c'est que ça fait, enfin, je veux dire, ça fait un mois, quoi, et puis elle est déjà sur un autre gars, quoi. Alors Vlad, je te souhaite bon courage en tout cas. Et... Bah, merci. Il y en a plein qui sont passés par là, appelle, c'est pas une période facile. Appelle tes copains ce soir. Ouais, ouais. Essaye de voir avec eux. Essaye de voir tout ça. Normalement, je vais voir un ami d'enfance là, jeudi. Très bien. Bah, c'est pas mal. Ouais. Voilà. Ça me fait sortir un peu, quoi, parce que de toute façon, je sais que dans tous les cas, là, c'est mort. Ouais. De toute façon, c'était qui tout double ce soir. Donc voilà. Là, bah, c'est mort, le meilleur moyen, si je devais te donner un conseil, le meilleur moyen, c'est de faire le mort. Et c'est peut-être elle qui pourrait revenir, mais il ne faut même pas compter là-dessus. Parce que sinon, tu vas toujours penser à elle et tu ne vas pas avancer, quoi. Ouais. Salut, Vlad. Ouais, bon bah salut, merci. Salut. 01 42 48 5000. On va accueillir maintenant Louis. Louis, alors attention parce que Louis, il a 16 ans, il nous appelle de Vignoles-les-Halton-Châtel, c'est dans la Meuse, en direct de son internat dans un lycée. Salut Louis. Salut. Ouais. Salut. Salut l'internat. Ça va les mecs? Ça va. Une belle brochette qu'on a là, au téléphone. Vous êtes à la cool là ce soir là. Vous avez le droit de téléphoner jusqu'à quelle heure là dans votre internat? On n'a pas le droit de téléphoner en fait. Ah oui d'accord, ok. ouais, c'est ça. Ouais. Les gars, vous vouliez demander quoi là, Louis, avec tous ses potes? On voulait demander si c'était normal de faire des branlettes collectives encore à 16 ans. C'est peut-être à cet âge-là que ça se fait. Ça dépend. Est-ce que chacun branle son voisin? Est-ce qu'il y a un cadeau au bout? toujours, c'est le meilleur. C'est marrant, je vais vous dire ça pour un exemple, en deux mots. Ouais. Dans certaines communautés traditionnelles africaines, il y a des sites, il y a des rites d'initiation où ils sont isolés, ils vont dans la forêt, ils sont entre copains. Bref, c'est vraiment un rite d'initiation. Et il y a un rite masturbatoire qui consiste à ensemencer la terre, qui se masturbe dans un truc dans la terre, ils éjaculent tous là-dedans, voilà. Quoi ? Ils font l'amour à la terre ? Oui. Ok. Bon, alors les gars, je sais pas ce que vous allez en faire. Hein. Faites un trou dans le jardin. Faites un trou dans le lit du voisin. Hein. Dans le lit du pion. Non mais alors qui gagne le concours de branlette à chaque fois ? Bah c'est moi. C'est qui ? C'est Louis, c'est ça ? Non. Mais qu'est-ce qu'il faut pour gagner ? Hein, qu'est-ce qu'il faut pour gagner? Tu gagnes. Qu'est-ce qu'il faut pour gagner? Bah on comprend pas ta question. Bah ouais, être le plus rapide, qu'est-ce qu'il faut? Bah il faut piner au bon endroit, qu'est-ce qu'il faut? Il faut quoi, Alice? Non, j'ai dit un truc horrible. Il faut piner au bon endroit. Mais bien sûr. Non, mais voilà quoi. On termine en beauté cette émission. Là, ils sont à l'ouest. Ouais. Bon, et la branlette collective commence à quelle heure, là, les gars là? À 22h. Bah pile poil quand Marion Enso commence, ça m'étonne pas. Hein, ça donne une certaine dose d'excitation. Les mecs, bonne branlette à vous et on embrasse tout le bahut là. L'internat MFR à Vignoles-les-Halton, Châtel dans la Meuse et on va vous envoyer des capotes. Hein? Ouais. Allez. On veut des capotes. Salut les gars. Salut. Ouais, salut les mecs, c'est cool l'internat, souvent on nous appelle et tout, est-ce que c'est bien l'internat? Bah franchement vous voyez, vous tapez des barres avec les potes et tout. 01 42 48 5000 toute la soirée, le numéro de téléphone sur Fun Radio. Dès demain on sera là de retour à partir de 20h sur Fun Radio, on va retrouver les filles, le Night Show, Marion et Anso. Bonsoir les filles. Oh, elles sont pas prêtes. Salut. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas prêtes? Bah si, toujours, attends. On rigole quoi. Ouais, on raconte toujours des trucs un peu bizarres. Non Cassim, qu'est-ce que tu vas dire là? Alors, je voulais balancer un dossier, mais vas-y le dossier. Non, balance. Mais d'abord, je voulais dire au revoir à notre auditrice du soir, Estelle, que j'allais presque oublier, mais pas du tout. Tu l'as oublié, Estelle, ma chérie. Oui, Karel. On te fait des gros bisous. Tu avais passé une petite annonce pour un boulot et on va continuer de. Il y a eu quelques appels, mais pas très très intéressants. Donc on va continuer si tu veux bien, Estelle, voilà, de donner un petit coup de pouce et on va essayer de t'avoir un truc, d'accord? Ouais, c'est super sympa. Et dites, je peux passer un petit message? Mais bien sûr, vas-y Estelle. À ma grande sœur Annie de Lille, que je fais un gros bisou, qui m'a dit qu'elle m'écoutait ce soir.